Starboy, le nouveau son de The Weeknd avec Daft Punk, qu'on l'a reçu il y a quelques minutes à la radio. Vous êtes les tout premiers en France à le découvrir dans un instant. Camille Combal. Et votre loyer à gagner, bien sûr, à 6h20. Vous inscrivez loyer, votre numéro de téléphone au 7-12-13. Avant ça, lui, heureusement qu'on paye pas son loyer parce que sinon on fermerait. C'est les infos avec Tristan Sarah, partout en France. Bonjour Tristan. Bonjour Robin, bonjour à tous. Il va faire beau encore aujourd'hui sur l'ensemble du pays. À peine quelques gouttes ce matin sur les côtes de la Manche, mais ce sera du soleil sur toutes les régions au fil de la journée. 23 degrés cet après-midi à Paris, à Vincennes, 24 à Marseille, 25 à Bordeaux et 26 à Toulouse. Le permis de conduire coûte toujours trop cher, plus de 1800 euros en moyenne selon une nouvelle étude de l'UFC Que Choisir. L'association dénonce un manque de transparence dans les tarifs pratiqués par les auto-écoles. Près de 6 agences sur 10 afficheraient aussi un taux de réussite supérieur à la réalité. À propos de voitures, ce sera bientôt le mondial de l'auto du 1er au 16 octobre à Paris. Ce matin, le Parisien annonce que le bonus va être supprimé à partir du 1er janvier pour l'achat d'un véhicule hybride. Il restera en vigueur uniquement pour les voitures 100% électriques. Après un an et demi de négociations, l'Inde a validé hier soir sa commande de 36 avions Rafale du groupe Dassault. Il y en aurait pour près de 8 milliards d'euros. La signature officielle est prévue demain à New Delhi, première livraison en 2019. La famille Chirac appelle au respect de sa tranquillité. L'ancien président n'est pas mort, contrairement à l'annonce faite hier avec beaucoup de classe par l'ex-ministre Christine Boutin sur Twitter. Il est toujours hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière où son épouse Bernadette a aussi été admise pour souffler. Contrairement à la rumeur, François Hollande n'a pas abrégé son voyage à l'ONU. Il est rentré comme prévu hier à la mi-journée. Le placement en garde à vue d'un homme fiché S à Rouen. L'individu présentait un comportement suspect. Il a été repéré dans la fac de droit par un étudiant qui l'a suivi. Il a noté l'immatriculation de son véhicule avant d'appeler la police. La fac a été fouillée par mesure de sécurité. Une nouvelle nuit de violence à Charlotte aux États-Unis. De nouvelles émeutes après la mort d'un homme noir tué mardi par un policier lui-même noir. Des heurts ont éclaté cette nuit. Un manifestant a été tué. La maire de la ville assure sur CNN que le tireur n'est pas un policier. Mark Zuckerberg, lui, va donner 3 milliards de dollars à la recherche. Le patron de Facebook veut ainsi contribuer à la guérison des maladies. Un premier don permettra d'ériger un grand centre biologique à San Francisco. En sport, Nice désormais aux commandes du championnat de France de football. Nice en tête après sa belle victoire 4-0 sur Monaco hier lors de la 6e journée de Ligue 1. Monaco est 3e avec le PSG entre les deux. Journée qui s'est achevée par le succès de Rennes 3-2 sur Marseille. C'était aussi hier soir le coup d'envoi du championnat de handball. Bon démarrage pour le PSG qui s'est imposé 28 à 22 sur Cesson-Rennes. Une première journée qui se poursuit aujourd'hui avec un autre favori pour le titre, Montpellier, qui recevra Toulouse à 20h45. Enfin, arrivederci Roma. Titre l'équipe ce matin. La capitale italienne a confirmé hier le retrait de sa candidature pour les Jeux de 2024 après celle de Hambourg et de Boston. Une folie financière selon la maire de Rome. Paris reste en lice face à Los Angeles et Budapest. Désignation de la ville haute, ce sera en septembre 2017 ou ça au Pérou. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Tonic, très bon réveil. Stéphanie de Lille, nous sommes le jeudi 22 septembre et je souhaite un joyeux anniversaire à l'homme de ma vie. Et je déclare l'émission du Virgin Tonic ouverte. Bonjour la France. Bonjour la Stéphane, comment tu vas? Mais ça va super. Oh, je suis ravi de t'entendre, ravi de redémarrer cette journée avec vous. C'est jeudi, aujourd'hui, le 22 septembre. J'étais pas là hier. J'espère que tu vas mieux, Camille. Ça va mieux. Alors les amis, je vous dis tout. Je suis malade. J'ai un petit problème de santé. Et donc, voilà, c'est pas simple. Je suis obligé de faire des allers-retours achats à l'hôpital. C'est pas si grave, mais du coup, c'est compliqué. Et hier matin, et j'espère que ça n'arrivera plus, j'ai pas le choix. Il fallait que je sois à ce moment-là à l'hôpital. Et où j'étais par téléphone en direct de l'hôpital, ou alors j'ai laissé les copains qui s'en sont très bien sortis et qui ont pris de mes nouvelles toutes les minutes. Oui. Et ben je l'ai laissé faire l'émission et je vais vous dire, je me demande même si cette émission n'est pas mieux sans moi. Non, elle est pas Je me demande. En tous les cas, vraiment, merci pour tous vos messages sur les réseaux, partout. Voilà, tous mes proches qui m'ont envoyé des textos aussi. Voilà, tout va bien, mais bon, c'est un peu galère. Mais on va y arriver, les amis. On va sortir tout ça, oui, ma Pauline. Et puis Clément s'était mis à ta place et du coup, on le voyait pas. Parce que... c'est vrai, mais j'ai lancé le bisou magique. Ouais. Il m'a lancé un bisou magique. Ça t'a guéri un peu. Mais bien sûr, attention, je vous le dis franchement. Il y a rien que je suis plus heureux que d'être là avec vous. Le matin, vraiment, il y a rien qui me fait plus plaisir. Et croyez-moi, j'en ai pas raté beaucoup en 3 ans. Ça doit être peut-être la 4e maximum. Et je veux dire que si pour que j'en rate une, c'est que vraiment j'avais pas le choix. Sinon, même si j'avais pu le faire en direct de là-bas, je l'aurais fait en direct de là-bas, les copains. Ma petite Stéphanie, donc je suis content de démarrer ma journée avec toi. Hein. Moi aussi, je suis ravie d'être avec vous en tout cas. Ça veut dire que ça va être une belle journée, ma belle. Vraiment, en plus, alors je vois que j'ai des beaux cadeaux à vous offrir. J'ai eu peur que Clément ait tout offert en une journée où je suis pas là. Ouais, j'ai failli. Allez, tout à 10 balles ou je remballe. Non, on a des casques Sennheiser ce matin. Et non seulement là, d'ailleurs, avant 7h, hein, vous vous inscrivez maintenant au 3916. Vous jouez avec nous, vous repartez avec le casque audio. Et vous serez automatiquement inscrit pour le tirage au sort de demain. On reprendra parmi les 4 gagnants de lundi au jeudi. Et un des 4 repartira avec un séjour en Martinique. Il vaut plus de 6000 euros le séjour. C'est un truc de fou. Vous ferez payer hôtel 4 étoiles, toutes les activités là-bas, le transport aussi bien sûr. Donc les amis, n'hésitez pas à vous inscrire. Plus le tour du monde pop rock électron vous envoie aussi en Australie ce matin. Mais faites le tour des radios. Trouvez une radio où on démarre en disant les amis, il y a des gens qu'on va envoyer à Martinique, il y a 2 autres personnes, on va les envoyer en Australie. Et puis s'il y en a qui n'ont pas envie de partir mais qui veulent juste prendre des nouvelles, c'est un iPhone 7 aussi qu'on aura à vous offrir ce matin. Ah, trop bien. Et puis bien sûr, ça tu le sais ma Steph, hein, vous inscrivez maintenant loyer au 7-12-13 par SMS. Et dès à présent, là, dès maintenant, eh ben, vous vous inscrivez et on aura déjà dans quelques minutes le premier gagnant pour un mois de loyer, un mois de mensualité de crédit. C'est 3 fois par matinée, 6h20, 7h20 et 8h20. Et on aura déjà encore 3 gagnants aujourd'hui. Ouais, c'est pas bien? Ouais, c'est génial. Et alors, hey, j'ai encore le coup, hein. Ah ouais, ouais. Voilà. Oh là là. T'as fait quoi hier soir ma Steph? J'ai pas entendu, pardon. T'as fait quoi hier soir ma belle? T'as fêté l'anniversaire de ton mec alors? Bah ouais, on a commencé puis on va finir en beauté ce week-end encore, hein. C'est obligé, en semaine on peut pas faire grand chose, hein. Ah, c'était que les préliminaires. Tout à fait. La mise en bouche. Non. Oh là là. Oh là là. Je vous dis, à peine elle nous a dit bonjour ma Stéphanie, je la sentais coquine. Oh ouais. Je la sens coquine. Comment s'appelle ton chéri Steph? Olivier. Bon, on l'embrasse aussi très très fort. Elle va passer un bon week-end celui-là. Je le sens. Qu'a fait l'équipe alors? Qu'est-ce qu'elle a fait l'équipe alors? Depuis je vous ai pas vu, ça fait 48 heures maintenant ma petite Laure. Bah écoute, moi il y a Juju qui est passé me voir à la radio hier et on s'est fait griller dans l'escalier. En train de s'embrasser comme des ados. Wow. Ouais. J'ai l'impression qu'il passe pas souvent, il passe que quand je suis pas là. Ah, bah, on dirait, ouais. Est-ce qu'il m'évite Juju? On sait pas, mais quand le chat n'est pas là. Alors il y a un mal de trop dans cette radio quand il est là. Clément, qu'est-ce que t'as fait toi? Bah, j'ai débriefé de l'émission d'hier avec le patron de Virgin parce que j'ai fait des bafouilles magnifiques. Ah, ouais. Par exemple, la Big Brownie partie, j'ai dit la Big Brownie partout. C'est vrai, c'est pas quoi, mais je pensais à Elise et Moon. Je pensais à Elise et Moon et aux Pokémon. Et j'ai parlé des Pokémon. Ma bouche n'était pas bien réveillée. Elle n'était pas réveillée hier. Bah Ginger, t'as fait quoi toi depuis que je suis partie? Bah écoute, moi hier j'ai fait ma BA en fait. Je suis allée payer le dentiste. J'avais une facture depuis 6 mois. Donc voilà, ça c'est fait. Je me suis libérée d'un poids si tu veux. Et tu lui devais de l'argent? Bah ouais. C'est gentiment en fait parce que c'est le papa de Laure. Ah oui, bah voilà, ça m'arrange finalement. Ne pas laisser de dette. Hein. Voilà. Je me sens plus légère aujourd'hui, tu vois. Ah, voilà. C'est sûr. En tout cas, belle nouvelle chaussure, Laure. Julie, le bonheur des uns fait le bonheur des autres. C'est génial d'être fille de dentiste. Parce que si tu montes tes chaussures, regarde, tu les aimes bien ça? Regarde, ça, c'est une gingivite, ça. La gingivite de Madame Goubert, ça. Regarde, ça, c'est pas beau. Oui, Clément. C'est énorme quand on va chez le papa de Laure, justement, Laure, elle nous dit, bah, donne et je lui donnerai l'argent. Ouais, tout le monde dit, non, mais même dans un mois, je préfère y aller moi. Ma petite Pauline est au standard, vous l'appelez, à 3916 pour repartir avec des très beaux cadeaux. Ça va toi? Ben ça va très bien, je suis à la danse classique hier et je suis contente parce que là j'ai repris et enfin avec l'échauffement et tout j'arrive à refaire le grand écart. C'est mon petit exploit de la journée. Ça c'est beau. C'est le père de Laure aussi hein, qui est prof de danse. Oui, moi je fais très bien le grand écart, si tu veux je peux te montrer. Ça ira. Non, c'est vrai, tu refais le grand écart? Bah ouais, là je suis trop contente parce que j'y arrivais pas, j'avais baissé le niveau et Michel elle me mettait des petites tapes dans les jambes parce que la prof de danse elle est un peu dure hein. Et elle a un petit bâton et elle nous et pour vous faire le grand écart. Oui, pour qu'on se baisse et tout, elle appuie sur nous, c'est difficile. Mais ça doit être très complet la danse. Hein. Ah, c'est le sport les plus difficiles, Laure. Moi je sais mettre ma jambe derrière ma tête par exemple. D'accord, ça sert à quoi dans le... Je veux dire, bonjour, alors vous cherchez du travail? Oui, tout à fait. Alors je maîtrise Word, Excel et je sais mettre ma jambe derrière ma tête. Eh ben c'est parfait, vous êtes la nouvelle DRH. Oui, Clément. Moi aussi, je sais mettre ma jambe derrière la tête de Laure. Voilà. Oh, et puis il y a mon Nico du bureau qui est là aussi, ça va Nico? Ça va super, écoute, bah moi une vie de chien de la casse, hein. J'ai rangé le bureau hier, les filles évidemment qui ont encore fait... Franchement ça fait un mois, c'était plutôt cool. Là depuis un mois, ça commence à tous les jours, il y a un petit bordel en plus. D'accord. Donc le thé, les... Donc ta journée ça a été de ranger le bureau? Ouais. Bien sûr. Radio Tristesse. La vie de Nico, c'est quelque chose. Et puis un petit Robin aussi qui est là, vous le savez, il vous accompagne 5h, 6h tous les matins. Celui qui fait le warm-up du Virgin Tonic. Il est à fond, ça va? Ça va. Nous on se réveille avec vous, mais Robin il est réveillé depuis 1000h lui. Hein. Normalement il est censé être à fond. Hein. Je suis à fond là, j'ai tout donné dans une heure, du coup là je redescends un peu, mais je vais remonter. Voilà, il donne tout pendant une heure et après nous on a tous les pains techniques qui nous accompagnent jusqu'à 9h bien sûr. Ma petite Steph, j'étais ravie de te parler ma belle. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Ah, je suis heureux comme tout, heureux de vous retrouver vous tous, vraiment courage à vous qui êtes en train d'ouvrir les yeux, courage à vous qui bossez toute la nuit, les pâtissiers, les boulangers qui nous écoutaient, voilà, qui finissaient quasiment vos nuits de boulot avec nous. Moi je suis très très très heureux de vous retrouver et de passer cette matinée à vos côtés avec Stéphanie qu'on embrasse encore et avec vous tous et avec Coldplay, Hymne Force de jeudi. Voilà ce qu'on écoute pour démarrer ce 22 septembre. Bon réveil et bon courage. C'est votre rendez-vous sur Virgin Radio tous les matins, le Virgin Tonic. Hi, this is Christian Van Coldplay on Virgin Radio. Virgin Radio. She lifts me up. Life is a dream and love's a drug. Oh, now I think I must be my user. When I was a river trotter, you came to rest. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde va très très très bien. L'équipe est là, bien sûr. Oui. Oh là là là là, je viens de voir une étude qui m'a chamboulé, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Vous tous qui ouvrez les yeux, vous tous qui êtes peut-être déjà en voiture, elle nous vient d'Amérique. Oui. Et cette étude nous dit que les réseaux sociaux, on parle que de ça en ce moment, hein, oui. Les réseaux sociaux rendent plus accros que la cigarette. Et oui. Ginger qui s'occupe, alors on lit tous les messages avec Ginger le matin que vous nous envoyez. Ouais. Mais apparemment, c'est une vraie dépendance. On devient vraiment addictif au réseau. C'est ton cas, ma Ginger? Complètement. Moi, entre Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, mais j'y passe des heures et en plus, je vois pas le temps passer, quoi. C'est elle adore. Que tout. Elle adore. Mmh. Sans arrêt, le téléphone, machin, donc c'est une cata. Mais en même temps, le temps ne fait pas d'œuvre sur toi, Ginger. Oh, merci, Camille. Il n'a aucun effet sur toi, ma Ginger. Oh là là. Clément, tiens, Clément l'incruste, est-ce que t'as un truc auquel t'es accro? Toi, t'es un peu moins réseau que nous, mais même est-ce qu'il y a un truc? Pas trop, mais Ligue des Champions. J'aime bien le foot, mais je m'en fiche un peu de la Ligue 1, mais Ligue des Champions, je peux me retrouver le mercredi à regarder Dynamo de Kiev, Sparta Prague, des matchs ukrainiens, mais ça me plaît bien la musique et tout, l'ambiance. Toi, t'es accro Ligue des Champions. Moi, j'ai un truc vraiment, je pense que s'il y avait un institut pour devenir moins dépendant, il faudrait le créer pour moi, c'est le Cacolac. Le Cacolac, la boisson au cacao, là, mais je peux pas, je peux en boire 725 par jour. Et à quel moment tu bois ça? Au moment où j'ai chez moi, parce que c'est un peu, faut trouver dans certains endroits, c'est vrai. Mais si j'en ai vraiment, hein, je vous jure, si j'en ai 400, je peux en boire 400 dans la journée. Le matin, par exemple. J'adore ça, tout le temps, ouais. Voilà, tu veux les heures précises auxquelles je les bois? Je te ferai un mail. T'es accro à toi, Laura? À quoi, toi? Alors, il faut isoler cette bafouille, elle est magnifique. Hein. Oui, mais alors. Non, je suis accro au steamroll, au chewing-gum, mais enfin au chewing-gum en général. Mais c'est une cata, parce que du coup, heureusement que j'ai un père dentiste, et sinon, je serais. C'est pas bon, il paraît que ça fait de l'air dans le ventre. Ah ouais. Ouais, alors déjà, c'est très mauvais pour le ventre, et puis pour les dents aussi, hein, évidemment. Bah oui, parce que c'est évidemment, il y a du sucre. Bah oui, et puis même s'il y en a pas, c'est pas bon de mâcher toute la journée. Bah non, ça abîme les mailles des dents, bien sûr. On connaît un petit peu. Oui, Pauline, à quoi t'es accro, toi? Au thé au jasmin. Je suis vraiment. Non, mais je te promets, c'est vrai, si j'en bois pas un le matin, franchement, je vais être de mauvaise humeur. Donc j'en ai un stock au bureau, j'en ai un stock chez moi, j'en ai chez ma mère, il y en a chez mon mec, il y en a partout. Vraiment, je suis accro, mais comme une drogue, quoi. C'est bizarre, oui, Nico, du bureau. Moi, c'est un peu. Enfin, ça n'a rien à voir, mais je suis accro, en fait, aux caleçons en coton. Et en fait, j'en ai 7. Parce qu'il allait quand même commencer par. Moi, c'est un peu pareil pour passer du thé au jasmin aux caleçons en coton. Non, parce qu'en fait, quand j'en ai pas, c'est-à-dire que j'en ai que 7 et quand ils sont tous à la machine et que j'en ai pas le matin, ça me. Je suis pas bien. C'est irrité. Une drogue. Bah, je suis irrité. Sans ton caleçon. Ah, bah, Nico et moi, on a besoin de personne. On s'éclate. Les amis, on écoute Adèle tout de suite dans le Virgin Tonic. Excellent réveil. Hi, I'm Adele, and you're listening to Virgin Radio. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting you and me. That was what you told me. No more. Choisi, vous avez fait le bon choix, les plus beaux cadeaux, c'est chez nous. Je vous offre un séjour en Martinique d'une valeur de plus de 6000 euros avant 7h. Et déjà là, dans 2 minutes, c'est un premier loyer à gagner. Voyez au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. On revient dans un instant, bougez pas. De 6h à 9h, Camille Combal est dans Virgin Tony. Votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Le coup d'envoi de l'automne aujourd'hui avec du soleil sur tout le pays. Grand beau temps sur la Méditerranée, la vallée du Rhône et le Grand Est. De belles éclaircies sur la région parisienne et les Hauts-de-France. À peine de rares averses ce matin sur les côtes de la Manche. 17 degrés cet après-midi au Mont-Saint-Michel. Vous aurez 18 à Brest, 20 à Colmar, 21 à Lille, Strasbourg, Biarritz et Chambéry. 22 à Rennes, Clermont-Ferrand et Valence. 23 degrés à Paris, Vincennes, Lyon et Nice. 24 à Marseille et Perpignan. 25 à Bordeaux et Montpellier. La maximale 26 pour Toulouse. Bon réveil les amis. Télérama vous invite à Télérama Dialogue. 36 invités, 36 rencontres en public. Cinéma, musique, livre, théâtre. De Karine Viard à Hubert Reeves, de Jane Birkinga à Alain Badiou, au Théâtre du Rond-Point le lundi 26 septembre. Programme dans Télérama Sortir, chez votre marchand de journaux et sur Télérama.fr, en partenariat avec la MGEN. Captez par SMS avec des milliers de connectés. Envoyez libre, suivi du numéro de votre département au 62 333. Message 35 centimes par SMS, en coût d'envoi service modéré. Virgin Radio présente Virgin Tonic, la compile officielle avec Richard Orlinski, Imani, Kooms, DJ Snake, LP, Calvin Harris, The Avener, Charlie Puth, Julien Peretta, Jonas Blue. Virgin Tonic, c'est la compilation. Trop d'interrogations quant à votre avenir professionnel ou amoureux? Envoyez CARTE, C-A-R-T-E, au 72021. C'est une analyse claire et précise de tout ce que vous souhaitez savoir sur votre avenir. CARTE au 72021. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Virgin Radio Classics. La web radio 100% Classics. Radio Classics. L'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli sur virginradio.fr. Tout de suite, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Je vous souhaite un excellent réveil, vous tous. Eh oui, qui êtes peut-être pas encore au travail, peut-être encore en train de petit déjeuner, peut-être pas encore pris votre douche. Oui. Et quand on n'a pas pris notre douche, j'ai remarqué, on évite chaque objet de la salle de bain, on a l'impression que c'est un glaçon. Chaque truc, on ne peut rien toucher. Attends, je suis pas au chaud sous ma douche. On vous souhaite un très très bon courage, en tout cas avec toute l'équipe qui est avec moi chaque matin. Yes. Et qui est avec moi pour vous payer votre loyer, vous faire plaisir. Et oui, c'est ça qu'on veut faire avec ce rendez-vous, 6h20, 7h20 et 8h20. Loyer au 7-12-13. Par SMS. Voilà comment vous inscrire, les amis. Chaque texto augmente vos chances d'être tiré au sort. Et c'est bien votre numéro de téléphone. On vous rappelle en direct. On vous demande quelle est la seule radio qui paye votre loyer. Si vous me dites Virgin Radio, c'est gagné. C'est simple, il n'y a pas de piège. On est les seuls à le faire. On vous fait un chèque. Vous dépensez l'argent comme vous voulez. Troisième sonnerie. Oui, ça sonne. Merci. Ouais. Allô ? Allô ? Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est là ? C'est Sandrine. Bonjour Sandrine, je peux te poser une question, Sandrine ? Oui. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer, ma Sandrine ? Virgin Radio. Oh, je suis content. Elle a le sourire, Sandrine. Ouais. T'es contente. Ma Sandrine, tu viens d'où ? Hénin-Beaumont, dans le nord de la France. Eh oui. Dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais, très bien. Tu fais quoi dans la vie ? Je travaille pour la ville, la commune. D'accord. D'accord, très bien. Et tu as un loyer de combien là-bas, ma Sandrine ? De 420 euros. Eh, qu'est-ce que tu dirais que je te fasse un petit chèque de 420 euros, toi ? Bah, je dirais bien oui. Elle dirait oui, la Sandrine. Elle dirait oui ou elle dirait oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Elle dirait oui, oui, oui ou elle dirait oui, oui, oui, oui, oui, oui. Oui, Sandrine, je suis ravi. Entrez, applaudis, c'est gagné pour toi. Bravo, merci de nous écouter chaque jour. Un SMS et c'est parti, je te fais un chèque d'un montant de ton loyer. Hier, on avait déjà offert pour 2 273 € de loyer. Et c'est parti, grâce à Sandrine, le coup d'envoi est lancé pour ce jeudi 22 septembre. Bisous, ma belle. Merci beaucoup. Merci à toi. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ah non, non, non. Oui, oui, oui. Bisous, ma belle. Merci vraiment d'avoir participé. Félicitations. Désolé pour tous les autres qui n'ont pas été tirés au sort. Il reste 7h20. Il reste 8h20. Rassurez-vous. Et puis voilà, le tirage au sort qui revient, bien sûr. Et tout de suite, on écoute les Jonas Blue Perfect Stranger sur Virgin Radio. Bon réveil. Hey, this is Jonas Blue for Virgin Radio. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. Here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. You got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Merci d'être avec nous les amis, on est là tous ensemble, c'est jeudi. Eh oui, pas encore tout à fait 6h30, courage à vous qui êtes encore à la maison. D'autres, c'est pire, hein, sont déjà au travail, sont déjà en voiture. En tous les cas, on va essayer de vous donner le sourire, de vous réveiller de bonne humeur avec Laure, avec Clément, oui, avec Pauline du Standard. Et pas que nous, hein, on a aussi 60 journalistes, même plus de 60, partout en France qui vous préparent des infos, qui vous intéressent, des infos qui vous concernent vraiment. Ils arrivent dans un instant, comme tous les jours à 6h30. Et puis juste après, ce sera le réponse à tout de Clément Lincruste quand il descend dans la rue poser des questions aux enfants. Et je leur ai demandé tout simplement, oh, comment ils imaginaient les boîtes de nuit. Ah, génial. Comment est-ce que les enfants de 9 ans, ils imaginaient les boîtes de nuit? Ah, j'aimerais trop, quoi. Laure, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de reboutonner ma chemise. Laure, ça fait une heure, elle me regarde toujours sur le bouton, comme ça. Je comprends pas ce que tu fais. Tu veux pas abandonner? Elle arrête pas avec sa chemise, j'en peux plus de celle-ci. Les amis, je viens de voir sur le site du Bonbon. Oui. Oui. Qu'apparemment, une nouvelle application pour smartphone va changer votre vie. Oui. Elle s'appelle Private. Okay. Et elle permet d'effacer des SMS envoyés trop vite. Ah ouais. Ça, c'est magnifique. Ah ouais. Là, les amis, ça va révolutionner vous, tous qui m'écoutez. Je suis sûr que ça vous intéresse. L'appli, en fait, ne marche que pour les messages qui n'ont pas été lus par le destinataire. Ah oui, okay, parce que s'ils ont reçu, c'est mort. Ce fameux SMS, par exemple, pour dire, je sais pas, j'en peux plus de Clément, je veux l'envoyer à Laure, mais comme je parle de Clément, l'envoie à Clément. Ouais, alors que ce soit clair, si Clément est sur son téléphone qu'il le lit, c'est trop tard. On peut pas non plus effacer la mémoire, c'est pas les Men in Black. Ouais. Donc c'est plus sur le côté, s'il est pas encore lu, il est rappelé. Faites le bruit avec moi. Il est rappelé. Ouais. Et ouais, mais je trouve que c'est révolutionnaire. Ça s'appelle Private. C'est génial. De dingue. Mais t'avais pas prévu de l'envoyer. Je peux regarder ton téléphone et voir si t'avais vraiment envoyé ça alors ou pas. Vous voulez qu'on lise quoi? Le dernier SMS reçu? Ah ouais. Dernier SMS reçu ou envoyé? Reçu. Ok. Ok. Dernier SMS reçu. Ok. Ok. Vas-y. Bah, il date d'il y a quelques minutes. C'est marqué boîte de nuit. Comment ça? Bah, c'est Robin qui est à un mètre de moi et je lui ai dit c'est quoi la réponse à tout parce que je savais que t'allais me demander et je m'en rappelais plus, il m'a juste dit boîte de nuit. La réponse à tout qui arrive dans quelques minutes. Et c'est lui qui pose des questions aux enfants, il sait même pas ce que c'est. Ah, mais non, mais on en pose plein. Les amis, attention, on lit tous notre dernier SMS en studio. Vous êtes avec nous, on triche pas. Hein. Ouais. Laure, t'as pas encore lu ton dernier SMS. Alors, si vous êtes des fidèles de l'émission, vous le savez, ça doit être Juju, je t'aime, d'amour. Non, non, parce que là, je me suis fait engueuler ce matin, c'est ma fille qui commence hyper tôt le jeudi et qui m'envoie maman où t'as mis mon frère à lycée, mais en majuscule. Ça veut dire qu'elle crie. Elle est hyper fâchée contre moi et je l'ai pris avec moi, donc je vais me faire déchirer. D'accord. Pardon, qui est la mère, qui est la fille? Là, on commence à se demander. Laure, c'est la seule maman qui dit ouais, je suis pas bien parce que j'ai piqué le fer à lycée de ma fille et je vais me faire déchirer. J'ai reçu le SMS, elle écrit en gras là, ça veut dire elle est hors d'elle, je le sens. C'est foutu pour mon concert de Justin Bieber. Je vais goûter. C'est pas possible, c'est la seule mère qui se fait engueuler par son ado. Mais en plus, en blague, mais elle est vraiment flippée. Elle fait Laisse-moi, je vais prendre, mais tellement cher. Mais c'est sûr et certain. Ma popo, standard. Et ben alors, moi, c'est ma meilleure amie hier soir qui m'a envoyé un MMS d'une robe à sos qui est hyper belle. Et elle m'envoie tu la kiffes, hein? Bah, j'ai déjà acheté. Voilà. Très bon, c'est truc de copine drôle. Pour dire attention, c'est mon terrain. Ouais, exactement. Ouais. Ginger! Il manque que toi. Quel est le dernier SMS que t'as reçu, Ginger? Alors moi, j'ai reçu un message de Raphaël hier. C'est qui? C'est un petit mec que j'ai rencontré ce week-end, enfin le week-end dernier du coup. Et 23h quand même. Ça veut dire quoi, un petit mec? Un petit dos, tu vois. Non, mais c'est pas par la taille, c'est que c'est pas encore très sérieux. Non, c'est ça, exactement. Il est plutôt intéressant. J'aime bien savoir comment vous parlez, les jeunes, là. Ça me file toujours la gouache. Ça sent la nouba. Et il me demande si on n'essayerait pas de se capter ce week-end. Oh, ça va guincher. Oh, ça va guincher. Oui, donc, Pauline. Tu sais ce qu'ils disent maintenant, les jeunes? Ils disent ça va zouker. Ah ouais, non. Non, ça c'est Magic System. Non, je te jure que c'est une nouvelle expression de ma cousine qui a 15 ans. Elle m'a dit maintenant pour dire. Les jeunes, de toute façon, ils ont arrêté de sortir. Il reste KLM, calé chez eux tranquille. KLM. KLM, c'est un truc aérien. Mais non, KLM, c'est pas du LM ou le truc aérien? Compagnie aérienne. Mais c'est pas là où on mange du poulet. Mais non, mais justement, en texto, KLM, ça veut dire calme. Non, c'est au KLM. Au calme. Bah oui. Ah, ok. C'est tellement nul. TMTC, hein. TMTC. Quoi? Toi-même, TMTC. Ah, je suis ringard. Je suis ringard, mais je suis heureux. C'est bien, c'est le plus important, les amis. Restez avec nous sur Virgin Radio. Dans un instant, Julien Doré, Paris-Séchelles. D'ailleurs, il l'a fait par KLM, hein. C'est le meilleur tarot hein, pour faire les paris Seychelles, ça je vous le dis. C'est avec nous sur Virgin Radio. Excellent réveil à vous tous. On revient juste après l'actu. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, beaucoup de soleil aujourd'hui sur tout le pays, à peine quelques gouttes ce matin sur les côtes de la Manche, mais le soleil va s'imposer sur toutes les régions au fil de la journée en ce premier jour de l'automne. 22 degrés en moyenne cet après-midi, 23 à Paris, 26 à Toulouse. La ville de Prague en tête des capitales européennes les plus cool, classement de Slate.fr qui met donc la capitale tchèque à la première place pour sa vie foisonnante, ses transports et sa bière pas chère. Elle devance Vienne pour ses parcs et Berlin. Berlin pour son offre culturelle. Paris est cinquième pour la qualité de ses musées. Amsterdam est plébiscité pour faire la fête. L'Europe, où l'on pourra bientôt téléphoner sans frais d'itinérance. La Commission européenne a garanti la fin des frais de roaming pour les Européens qui se rendent dans d'autres pays de l'Union dès juin 2017. Les voyageurs pourront utiliser leur portable comme à la maison. Les dentistes grincent des dents. La profession estime que les soins de base sont sous-évalués. Le détartrage, les caries et autres dévitalisations ne rapportent pas assez. Les dentistes réclament de nouvelles hausses de tarifs. Un premier tour de table est organisé aujourd'hui sous l'égide du ministère de la Santé. Une affaire de moins pour Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État a été blanchi hier dans l'enquête sur ses voyages en avion privé facturés à l'entreprise d'un ami. La justice a reconnu que ses voyages en jet privé étaient justifiés par un projet professionnel. L'Inde a approuvé hier soir l'achat de 36 avions Rafale à la France. Le contrat qui avoisinerait les 8 milliards d'euros sera signé en grande pompe demain à New Delhi. Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, se rend sur place. Le premier Rafale sera livré dans 3 ans. Bernadette Chirac hospitalisée à son tour pour souffler. Elle a rejoint son mari à la Pitié-Salpêtrière. La famille de Jacques Chirac a vivement réagi hier aux rumeurs annonçant la mort de l'ancien président de la République. Elle appelle d'ailleurs au respect de sa tranquillité. Deuxième nuit de violence à Charlotte, dans le sud-est des États-Unis. Des affrontements consécutifs à la mort d'un homme noir abattu mardi par un policier lui-même de couleur. Un manifestant a été gravement blessé cette nuit. Le gouverneur vient à l'instant de décréter l'état d'urgence à Charlotte. Un mot de sport avec Nice désormais en haut commande du championnat de France de football. Nice en tête après sa belle victoire 4-0 sur Monaco hier lors de la 6e journée de Ligue 1. Monaco qui est 3e avec le PSG entre les deux. Journée qui s'est achevée par le succès de Rennes 3-2 sur Marseille. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Tout de suite vous retrouvez Virgin Tonic avec Camille Combal et toute son équipe. Très bon réveil à l'écoute de Virgin Radio. À tout à l'heure pour d'autres infos. Belle matinée à vous tous, 6h34, merci d'être là vraiment chaque matin dans le Virgin Tonic. Il y a Laure, il y a salut, Clément, bonjour. Il y a Pauline. Coucou. Et puis surtout il y a vous tous sur les réseaux sociaux au 3916. Vous avez bien raison les amis, au 3916 de vous inscrire, puisque dans un instant vous pourrez non seulement repartir avec un casque audio d'une valeur de 350 euros, mais surtout vous serez inscrit pour le tirage au sort de demain. Vous ne serez que 4 en lice pour repartir avec un séjour en Martinique d'une valeur de plus de 6 000 euros. Oui. C'est la Martinique, c'est où? C'est la Martinique, c'est où? C'est la Martinique, c'est combien? C'est 6 000 euros. Nanana, t'y penches. Nanana, c'est là. Nénénénéné, pario. Oh là là là là, je suis comme un dingue. Oh, c'est temps, ouais. Je peux faire un solo Francky Vincent ou pas? Vas-y. J'aime la vanille, ah, j'aime la vanille. Ah, ah. J'ai mis un slip. Ah. Oh là là là là là, j'adore. Je suis comme un dingue de vous offrir ces beaux cadeaux. Je remercie vraiment tout Virgin Radio qui nous offre des cadeaux incroyables chaque matin pour vous faire plaisir. C'est le 3916. C'est pas Radio Latina non plus, donc on va revenir. C'est Julien Doré qui arrive dans un instant pour Paris, Seychelles, bien sûr. Vous avez bien raison de vous inscrire. Je vous souhaite encore un très très bon réveil. Et j'ai une info pour vous. Oui. Info qui nous vient du magazine féminin Biba. Oui. Aux États-Unis, il existe un camp de vacances pour adultes un peu spécial. Ça s'appelle, peut-être vous avez entendu parler l'équipe, le Pizza Camp. Non. Comme une c'est pizza. Je vais t'expliquer. Il faut débourser. Vous allez halluciner, hein, vous qui êtes peut-être entre voiture, en train de nous écouter. Ça m'intéresse pas, pardon. Pourquoi? Il faut débourser, moi, tout le temps. Il faut débourser 90 euros seulement. Et une fois sur place, vous pouvez déguster pizza à volonté, faire vos propres créations et surtout les cuire comme vous les aimez. C'est vraiment, vous devenez pizzaïolo, quoi. Et en plus, de la bière à volonté est proposée en accompagnement. Ah ben voilà. En gros, vous passez la journée dans un camp et vous, voilà, vous pouvez faire toutes vos pizzas, tous vos trucs comme ça pour 90 euros, c'est raisonnable. Oui, moi personnellement, je vais manger une pizza dans un resto, je vois pas l'intérêt, mais pourquoi pas? Bon, je trouve que c'est une activité sympa, voilà, on peut faire les pizzas ou quoi après. Avec les enfants alors. Voilà, oui. Toi, t'es pas gagnante, Clément, 90 balles la journée. Même si tu manges 3-4 pizzas, ça fait quoi? Ça fait 60 euros, faut quand même y aller. Hein. Ça doit être pour les groupes, tu viens avec tes amis, c'est 90 euros, ça va être un forfait. C'est 90 euros par personne, commencez pas à négocier les prix. On a pas envie d'y aller, Camille. Non, okay. Non. Je peux vous faire une petite carte fidélité. Ah. Ça va intéresser frais, c'est certain. Bon, non, d'accord, ouais. Je viens. Allez, alors je te mets une vermeille, carte vermeille à 25 euros. Allez, venez tous dans mon pizza camp. Oui, ma petite Pauline au standard. C'est surtout que tu fais ça, tu prends 10 kilos et après tu vas dans un bootcamp pour perdre les 10 kilos. Donc au final, t'as déboursé énormément d'argent, tout ça pour de la pizza et de la bière. Très bien. Vous savez quoi, vous m'emmerdez. Je vous le dis, j'avais une super news, c'est le pizza camp. Elle vous intéresse pas? Eh ben, vous trouverez mieux. Voilà. Hier, j'étais pas là, vous étiez mis entre vous. Aujourd'hui, je suis de retour, je reviens avec une super info, elle intéresse personne. Mais non. Eh ben, regardez, j'avais en boule. Voilà, et vous savez, vous pouvez vous la foutre. Voilà. Il était super, mon pizza camp. Soutenez-moi sur les réseaux. Dites-moi que ça vous a intéressé. Restez avec nous sur Virgin Radio tout de suite. On passe à Clément et son réponse à tout. Virgin. Réponse à tout. Et oui, Clément, on va chaque jour à la rencontre des enfants dans la rue, leur pose des questions. Et les enfants, ce qu'on aime, c'est qu'ils sont spontanés, ils ont de la répartie, ils sont jamais piégés. Surtout quand je leur demande comment ils imaginent l'intérieur des boîtes de nuit. Vous êtes déjà allé en boîte ? Non, non plus. Vous imaginez ça comment, une boîte de nuit ? Tout blanc et noir, avec des canapés, des tables et une scène pour danser. Surtout plein de filles et des garçons, un endroit pour boire son verre d'alcool et un endroit où le DJ mixe. Et qui va en boîte de nuit alors ? Tout le monde ou pas ? Ouais, mais il y en a qui se font recaler. Pas ceux qui n'ont pas le physique ou qui sont pas connus. Pas les personnes âgées et interdits aux mineurs, à part ceux qui trafiquent leur carte d'identité. Et ceux qui ont un mauvais look, ils rentrent pas non plus. C'est quoi un mauvais look ? Qui ne sont pas bien habillés, qui viennent en survêt de foot, qui sont habillés n'importe comment. Genre Cristiano Ronaldo, il va en boîte après un match, il rentre pas ? Non, il rentre pas. Enfin, si, peut-être, parce que lui, c'est une star. Mais à mon avis, il devrait changer. Faut qu'il enlève le survêt. C'est ça. Et qu'il prenne une douche. C'est ça. Réponse à tout. Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin. Julien Doré, Paris Seychelles, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Ça, c'est un réveil en douceur, un réveil pop rock électro. Courage à vous tous. Salut, c'est Julien Doré dans Virgin Tonic. On s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'eau se pose sur nos ronds, celui-là. Le soleil s'endort sur ses chelles. Le sable et l'aurore, fleurs de sel. Attends-moi, je sors de l'île au cerf, l'orage est de l'or pour se perdre. I need you so, I won't let you go, oh, I need you so, I won't let you go, oh, I need you so, I won't let you go. I won't let you go, oh, oh. Souffrir la mort pour te plaire, défendre nos torts et puis se taire. Le désir encore pour l'hiver, un chaos d'efforts sur Saint-Hilaire. On s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Tant que l'on se pose sur nos lauriers mayas, on s'était dit des choses. I need you so, I tiendra pas. Le temps que l'eau se pose sur nos ronds, ce lilas. Merci d'être avec nous, c'est jeudi aujourd'hui, on est le 22 septembre. Bonne réponse. Merci en tout cas d'être avec nous les amis, ça y est, voilà, c'est le 22 septembre, c'est jeudi aujourd'hui, je sais que c'est simple pour personne, c'est le milieu de semaine, en tous les cas, on est très très très heureux. À titre personnel, j'étais pas là hier, j'étais très malade, très heureux de vous retrouver, surtout ce matin, et croyez-moi, je serai fidèle au poste tous les matins, 6h, 9h, avec mon équipe, pour vous donner du courage, vous qui êtes peut-être en voiture, vous qui êtes encore à la maison, et on a des beaux cadeaux. On a des beaux cadeaux à vous offrir ce matin, comme on le fait tous les matins sur Virgin. Ce qu'on joue maintenant pour un casque Sennheiser. Déjà, c'est un casque à 350 euros. Oui. Et tous les gagnants de la semaine, ce sera le dernier ce matin, lundi, mardi, mercredi et ce matin, jeudi. Les quatre, on les reprendra au téléphone demain. Il y aura un tirage au sort et l'un d'eux repartira avec un séjour en Martinique d'une valeur de plus de 6000 euros, les amis. Énorme. Et ça joue. Allez, ça joue. On joue à gauche. On joue à droite. On joue devant. On joue derrière. Un tour derrière. Un tour devant. Les amis, vous allez vous éclater parce que je pars pas avec vous, donc ça devrait être un bon séjour. C'est parti, on voit qui a été tiré au sort puisqu'on va jouer tout de suite au pitch de film. Pitch, oh mon pitch, c'est le pitch game. Et c'est bien sûr Virgin Radio. Eh oui, c'est sur Virgin Radio. Deux personnes vont s'affronter ce matin, c'est Virginie et Pierre. Bonjour à tous les deux. Coucou Camille, bonjour. Coucou Virgin Tonic. Salut. Salut. Je suis ravi de vous entendre. Tu es d'où, ma Vinou? Alors moi, je suis de la Manche, à côté de Cherbourg, à Valognes exactement. D'accord. Près de la Manche, c'est le col. Oui, tout à fait. C'est bon. Oh là là. Il est très fort. Pour les amis, pour les amis. Ouais. Ok, Laura a pas compris la blague. Pierre, mon bichon, tu viens d'où? Alors moi, je suis du Pas-de-Calais, du côté de Saint-Omer. Mais c'était pas de Calais, t'es d'où? Une ville, une blague. Bienvenue sur Virgin Radio. Les amis, attention, vous allez vous affronter. Quoi qu'il arrive, on n'aura qu'un seul gagnant. Vous le savez. Le pitch de Film Game, c'est très simple comme jeu. Vous tous qui m'écoutez, ça va vous intéresser puisque hier, c'est la sortie de film. Hein, le mercredi, sortie ciné. Si je pitch de film, c'est simple. Vous allez choisir un animateur. Laure, Clément, Pauline... qui devra vous faire deviner le plus de titres de films possibles pendant 30 secondes. Celui qui a le plus de points gagne. Virginie, tu as envie de jouer avec qui? Moi, je vais rester dans le final. J'ai Pauline. Ah, Pauline, très bien. Pauline, on passe le pot. Alors, c'est très simple. Hein. Pauline a un pot, elle ne connaît pas les films dedans. Elle va tirer à chaque fois au sort. Attention, on triche pas, on regarde pas encore Pauline. Dès qu'on regarde le titre, après tu le pitches, évidemment, sans dire le titre, ce serait trop facile. Et... plus tu découvriras de pitch en 30 secondes, plus t'as de chances de gagner. D'accord, Vinou? C'est parfait. On y va, Clément. J'avais une question pour Virginie. T'as déjà écouté l'émission, quoi? Parce que choisir Pauline pour la Martinique, c'est risqué. Sur ce jeu-là. Mais non, mais je ne fais pas peur. Hein, c'est quoi un jeu? Je vais tout faire pour toi. Elle va tout faire, Pauline. C'est parti. Attention, on pitch le maximum de films. Top chrono. Alors, c'est parti. Je ne connais pas. Voilà. C'est bien parti. C'est un film sur un petit garçon qui reste tout seul chez lui. Et ses parents, ils partent et ils se retrouvent dans la maison, tout seul. Ok, je suis nulle. C'est un film... C'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça. Ok. C'est avec Johnny Depp. Et c'est un film où il y a beaucoup de bonbons. Il y a beaucoup de bonbons. Le truc qu'on mange à Pâques. Johnny Depp, une usine. Mais qu'est-ce qu'elle est nulle. Mais... Virginie? Ok. Oui. Non, tu l'as pas. Ok, okay, très bien. C'est un film avec Benoît Poulvord et il joue le rôle de Claude François. Ok. Non. Non. C'est horrible. Hein. Attention. Là, Vinou, on est sur zéro point. Juste. Bon, bah super. Je vais t'aider, ma Vinou, quand même. Voilà, je pense. Un film avec Johnny Depp sur des bonbons qu'on mange à Pâques. Je pense que c'est Charlie et la chocolaterie. Bah oui. Et le film avec Benoît Poulvord. Donc, moi, j'ai pas les films, mais Benoît Poulvord qui joue un sosie de Claude François, c'est Podium. C'est bah bien oui, ça. Oui, c'est ça. Et alors, juste l'enfant. Le premier, c'était quoi? L'enfant qui est tout seul. Maman, j'ai raté la je me suis planté avec Chérie, j'ai raté. Voilà. Chérie, j'ai raté les gosses. Ah, d'accord. Oh là là. Je n'ai pas du tout le pitch que t'as donné. Hein. Non, mais attends. Virginie, ma chérie, attention, ça fait zéro point. Il suffit que ton collaborateur Pierre trouve une bonne réponse et ce sera gagné pour lui le casque et le tirage au sort pour la Martinique. Pierre, avec qui est-ce que tu veux jouer? Avec l'incruste, mon petit Clément. Avec plaisir. Ok, Clément Lincrus, est-ce que tu arriveras à lui faire deviner ne serait-ce qu'un film? On va tenter. Tu as 30 secondes aussi si vous nous rejoignez. Allez, sur Virgin peine. Radio, c'est le jeu du pitch de film. Top chrono. C'est parti. Le premier film, c'est quelqu'un qui court énormément. On lui dit, vas-y, vas-y, cours, cours, machin. Forrest Gump. Voilà. C'est gagné, voilà. Ah bah ouais. Eh ouais. Est-ce que tu l'avais, Virginie? Oui, je l'avais, Forrest, ouais. Eh ouais, mais ouais. C'est plus simple avec Clément. C'est ma belle-sœur, encore. Après, en plus, la vie, c'est comme une boîte de chocolat, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Hein. Exactement. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, ça dure moins longtemps chez les gros. C'est l'ami qui m'a sorti ça l'autre jour, je l'embrasse. C'est vrai. Eh ben écoutez, ma petite Virginie, tu l'as compris, zéro bonne réponse. Pierre a retrouvé Forrest Gump, c'est gagné pour lui. Bravo Pierre, un casque Sennheiser d'une valeur de 350€. Mon fils va me tuer là. Eh ben ouais, je suis désolé. Alors je suis très heureux pour toi. Et puis Pierre, je te reprends au téléphone. Comme le gagnant de lundi, de mardi et de mercredi, vous serez 4. Tirage au sort demain. L'un d'entre vous gagne un séjour de 6 000€, d'accord? Bah tu sais que c'était notre anniversaire de mariage la semaine dernière. Ça fait super plaisir à ma femme qu'on l'aime. Eh ben je suis ravi. Mais n'essaie pas de me soudoyer, je n'y peux rien. Non, du tout. Eh ben en tous les cas, j'espère que tu le gagneras. C'est grâce à nos copains de chez Corsair et à l'hôtel La Pagagerie. Les amis, voilà, c'est là où si vous avez oublié vos pagages, c'est là où vous les retrouverez. Bien sûr. Pierrot, Virginie, je vous embrasse très très fort tous les deux. Félicitations à Pierre. À demain mon pote. Et tout de suite, c'est DJ Snake. Let me love you sur Virgin Radio. This is Justin Bieber. Hey, c'est DJ Snake. To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. On risque pas de vous lâcher, on est tellement heureux d'être là, 6h-9h sur Virgin Radio, avec le son que vous aimez, Evangeline dans un instant, My Kingdom, et puis surtout, eh oui, votre loyer à gagner, loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. N'hésitez surtout pas, le prochain tirage c'est à 7h20. Ça y est Daniel, je prends des cours d'œnologie. Vous ?

Ah ben non, mais là c'est le beurre, il n'y a pas que président, il y a le premier ministre, il y a tout le monde, il y a tout l'état-major, parce que là il y a beaucoup de beurre. Mais merci. Bah ouais, ouais. Oui, Clément. Je vais juste. On peut régler nos comptes comme ça aussi. J'ai un truc sur le cœur depuis un petit moment. Vas-y. C'est pour Laure aussi. Ah non, mais attendez. On se dit les choses. Ben. Laure, tu me mets la honte quand on joue au babyfoot parce que tu cries très fort des choses un peu bizarres. Et voilà, fallait que ça sorte. Ah, il faut savoir qu'on nous a installé un babyfoot dans la cour de Virgin Radio. C'est trop bien. C'est trop bien. Laure, elle crie tout le temps. Elle au fond, là, au fond. Mais c'est la première fois quand même, ils sont gentils à Virgin Radio, mais c'est la première fois que je vois un babyfoot dehors. Oui. Je me demande s'ils vont mettre des balles oranges quand il va neiger cet hiver. Pour que les matchs aient lieu quand même avec la neige. C'est bizarre de mettre un babyfoot dehors, Clément. Ils ont fait comme à Pouzeau chez moi en Vendée, le terrain il est en pente. On peut pas vraiment jouer, tu gagnes toujours du même côté. Oui, alors. Je peux régler un compte aussi ? Alors vous savez ce qu'on fait ? On va pas le faire que nous. Ouais. Si vous avez vous aussi de soulager votre conscience, vous avez envie de faire sortir un truc, on va lancer un hashtag. Est-ce qu'on peut mettre une musique de hashtag ? C'est pas du tout Koh-Lanta. Hein. C'est vraiment notre musique, on l'a recomposée. Nous, ça n'a rien à voir avec Koh-Lanta. Musique de hashtag, c'est simple. Hashtag, fallait que ça sorte. Vous aussi, parce que c'est pas bon de garder les choses. Vous savez quoi ? Soulagez vos nerfs, soulagez votre conscience. Faites sortir un truc que vous avez en vous et ça vous fait du bien. On l'a fait avec Clément. Laure, ma belle, dis-moi, c'est à toi. Alors, Juju, je t'aime, j'adore tes enfants, je les adore, mais qu'est-ce qu'ils sont bordéliques. Je pense que c'est hérédité en fait, voilà. Les enfants de Juju sont trop bordéliques, tu l'avais pas encore dit ? Ah non, je l'avais jamais dit. Franchement, ça fait du bien, fallait que ça sorte. Voilà, faut que les enfants sortent ou. Si tout le monde peut sortir. Pauline, vas-y, joue le jeu, on va vous prendre au standard. Tiens, on a Fred qui est au standard. Salut mon pote au 3916. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut mon Fredo. Alors Fred, attention, tu joues le jeu aussi dans un instant. Tu vas nous faire un fallait que ça sorte. D'abord, je voudrais écouter Pauline. Ouais, j'espère qu'il va pas m'en vouloir. Papa, un appel matin, midi, soir à 28 ans, juste parce que tu payes mon forfait et que tu te permets de faire ça, j'en peux plus. Arrête, fallait que ça sorte. Ah, c'est trop. C'est matin, midi, soir, Camille, avec ton père qui te demande avec qui tu es, pourquoi, comment, dans quelle rue. Il a une géologue de moi quand même, c'est hyper flippant. C'est génial. Moi, ma mère m'appelle trois fois par jour. Bah moi aussi, hein. Bah ouais. Oh mais non, moi la géologue ça me fait hyper peur. Mais il sait où t'es en permanence ? Oui, il a une géologue un peu... sur son portable. Bah c'est un peu trop. Oui. Ouais, bah alors... si vous arrive quelque chose, vous serez bien contente qu'on ait mis la géologue. Bah moi je peux l'avoir mis ma mère avant qu'elle me retrouve sur une géologue. déjà louer un truc, c'est pas simple à loc. La géo, c'est pas ça. Alors de la géologue, ça passe pas. On perd ma mère. Je vous cache pas qu'on perd ma mère. Hein. Oui Pauline. C'est juste moi des fois il y a des choses que je fais, des endroits où je vais où j'ai pas du tout envie qu'ils sachent, tu vois. Ouais. Par exemple. Bah, oui bien sûr. Et oui, ces fameux clubs échangistes. Non, tu fais ça. Bien sûr. Fred, fais-toi plaisir aussi, soulage ta conscience. Fallait que ça sorte, jouer le jeu sur les réseaux, on vous rappellera au 3916. Je t'écoute, mon pote. Eh ben, on va rester dans le téléphone. Hein. Moi, c'est contre mon opérateur. Tu vois, chez Free, alors les prix sont sympas, il n'y a pas à dire. Mais alors, par contre, si je pouvais avoir un peu de réseau de temps en temps, ce serait cool, quoi. Bah, fallait que ça sorte. Hein. Mais tu sais quoi ? Je comprends. Ouais. Mais il y a des trucs, c'est très bizarre. C'est-à-dire que. Pardon, contre eux, mais peut-être je dis une bêtise. J'ai l'impression que Bouygues et Free, ça capte un petit peu moins. Sauf qu'il y a des endroits où il n'y a que eux qui captent. Ah bon ? Ouais, c'est ça. Il y a des endroits. Dans un club échangiste, par exemple. Dans un club échangiste, il vaut mieux être Free. Hein. Ouais. En général, sinon, ça se termine pas super. Hein. Mon petit Fred, je t'embrasse très très fort. Reste avec nous sur Virgin Radio. Angela et My Kingdom, voilà ce qui arrive juste après l'actu. Nos journalistes sont prêts, un petit pause pour le Flash Info et nous on vous lâche pas, on est là avec vous. On revient dans un instant dans le Virgin Tonic avec la question de ouf, bougez pas. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, il va faire beau encore aujourd'hui sur l'ensemble du pays. À peine quelques gouttes ce matin sur les côtes de la Manche, rien de bien méchant. Ce sera du soleil sur toutes les régions au fil de la journée. 23 degrés cet après-midi à Paris et à Vincennes, 24 à Marseille, 25 à Bordeaux. Le permis de conduire coûte toujours trop cher, plus de 1800 euros en moyenne selon une nouvelle étude de l'UFC Que Choisir. L'association dénonce un manque de transparence dans les tarifs pratiqués par les auto-écoles. Près de 6 agences sur 10 afficheraient aussi un taux de réussite supérieur à la réalité. À propos de voitures, ce sera bientôt le mondial de l'auto du 1er au 16 octobre à Paris. Ce matin, le Parisien annonce que le bonus va être supprimé à partir du 1er janvier pour l'achat d'un véhicule hybride. Il restera en vigueur uniquement pour les voitures 100% électriques. Après un an et demi de négociations, l'Inde a finalement validé hier soir sa commande de 36 avions Rafale du groupe Dassault. Il y en aurait pour près de 8 milliards d'euros. La signature officielle est prévue demain à New Delhi et la première livraison en 2019. La famille Chirac appelle au respect de sa tranquillité. L'ancien président n'est pas mort, contrairement à l'annonce faite hier par l'ex-ministre Christine Boutin sur Twitter avec beaucoup d'élégance. Il est toujours hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière où son épouse Bernadette l'a rejointe hier pour souffler. Contrairement à la rumeur, François Hollande n'a pas abrégé son voyage à l'ONU. Il est rentré comme prévu tranquillement hier à la mi-journée. Le placement en garde à vue d'un homme fiché S à Rouen. L'individu présentait un comportement suspect. Il a été repéré dans la fac de droit par un étudiant qui l'a suivi. Il a noté l'immatriculation de son véhicule avant d'appeler la police. La fac a été fouillée par mesure de sécurité. Une nouvelle nuit de violence à Charlotte, aux États-Unis. De nouvelles émeutes après la mort d'un homme noir tué mardi par un policier lui-même de couleur. Des heurts ont éclaté encore cette nuit. Un manifestant a été très grièvement blessé. Le gouverneur vient de décréter l'état d'urgence. Mark Zuckerberg va donner 3 milliards de dollars à la recherche. Le patron de Facebook veut ainsi contribuer à la guérison des maladies. Un premier don permettra d'ériger un centre biologique à San Francisco. On passe au sport avec Nice désormais aux commandes du championnat de France de football. Nice en tête après sa belle victoire 4-0 sur Monaco hier lors de la 6e journée de Ligue 1. Monaco est 3e avec le PSG entre les deux. Journée qui s'est achevée par le succès de Rennes 3-2 sur Marseille. La 7e journée débutera demain. Et puis c'était aussi hier le coup d'envoi du championnat de handball. Bon démarrage pour le PSG qui s'est imposé 28-22 sur Cesson Rennes. La suite, c'est aujourd'hui. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic. Bon réveil. C'est vous l'équipe alors? Oui, bonjour, je suis là. Salut, bah Camille, enchantée. Comment tu vas? C'est quoi ton petit nom? Laure. Super. Ouais. T'es ravissante, dis-moi. Merci. Je suis ravi d'être là. Bonjour. Vous êtes qui? Vous me dites, j'ai l'impression de vous avoir tout le temps dans les pattes. Aucune idée, c'est la première fois que je me vois, je ne sais pas. Vous êtes votre nom? Clément. Clément, comment? L'incruste. L'incruste, ok, je prends ça. Ok, j'adore, on adhère. Et alors, il y a quelqu'un là-bas derrière le téléphone, oui, vous êtes qui vous? Coucou, moi je suis Pauline du Standard. Et je la sens pas, je la sens pas elle. Non, je la sens pas. Je reste du coup. Bah écoute, le mieux c'est de peut-être de. Ouais, bah écoute, partir. Non, je suis ravi. Alors vous, on vous joint comment? Au 39-7. Au 39-7, oui, ça me disait un truc. Bah oui. D'accord, super, ça va mieux avec mes gouttes moi. Je commence à remettre un peu tout dans l'ordre là. Il y a un traitement toutes les deux heures, l'animateur est obligé de le représenter tout le monde. Ah d'accord, bah je vous ai dit, il y a des têtes qui me disent un truc, voilà. Il y a des visages qu'on n'oublie pas, Clément. Et des corps aussi. C'est jeudi, c'est le 22 septembre. Je vous souhaite vraiment un très très beau réveil. Allez, je sais que c'est pas simple, il est 7h. Là, il y a un moment donné où il y a déjà plein de gens en voiture. Il y a d'autres au travail, puis il y en a d'autres qui passent encore tout juste sous la douche, qui préparent le petit-déj. On pense très fort à vous et on est à vos côtés jusqu'à 9h avec machin. Sans présenter. Dans un instant, les amis, j'ai une bonne nouvelle. Oui. C'est quoi? Très bonne nouvelle. C'est que dans un instant, on va s'écouter Evangeline, Mikey Kingdom. Voilà ce qu'on va écouter dans un instant. Et alors, je voudrais vous donner une info géniale. Ouais. Juste avant, bien sûr, la question de ouf de Clément, la première de la matinée, avec toutes vos réponses sur notre répondeur. C'est une info qui nous vient du site Combini. Oui. Ah, beaucoup. Si vous êtes fan de Game of Thrones, tendez l'oreille, parce qu'une application de dingue est sortie. Oui. L'application qui va vous permettre de spoiler vos amis par SMS en tout anonymat. Pour la somme de 0,87 centimes d'euros. Il vous est possible d'entrer le numéro d'un ami, de lui envoyer un SMS, et en fait, il ne sait pas que c'est vous qui l'envoyez, et ça contient un spoil, c'est-à-dire un moment de la série qui n'est pas encore passé et que vous révélez avant, donc c'est horrible pour le fan, de Games of Thrones tout à fait anonymement. C'est horrible. Moi, je suis fan de la série comme beaucoup de gens, elle a encore gagné plein d'Emmy Awards. Vous me faites ça, l'équipe, je veux plus jamais vous voir de ma vie. Je donne juste cette info qui est quand même dingue. Anonymement, quelqu'un ouvre un texto et d'un coup il écrit: au fait, au courant que Jeanne est morte. Wow! C'est chaud quoi. Laure. Alors moi, l'info qui m'intéresse dans tout ça, c'est qu'on peut envoyer des textos avec un autre numéro, parce que j'adore faire des blagues, et que depuis qu'il y a la reconnaissance de numéros et des textos, on peut plus faire de blagues. Avec l'appli. Ben, j'ai trouvé une appli qui permet d'avoir un autre numéro quand on envoie un texto. Je m'éclate. Donc, ça envoie et c'est pas ton numéro. Non. C'est un bon moyen pour que je te décroche. Pauline au standard. Ben moi, je vais spoiler ma sœur parce que cet été, elle a mis des verres, tu sais, de pêche à mon père dans mon lit. Oh. Donc, je me venge. Elle est fan de Games of Thrones. Elle est archi fan, c'est-à-dire qu'elle a. Bon, spoil. En tout cas, je vous le dis, vous pouvez rester serein ici en nous écoutant. On ne spoilera jamais une série. Non, jamais. Franchement, au pire, Julie Lescaut. Parce qu'on est fan aussi. Non, mais en vrai, je vous jure, voilà, ici on révélera jamais la fin. On est trop à fond sur les séries comme The Walking Dead et tout ça. Les copains, est-ce qu'on se fait la question de ouf? Allez. Allez. Ben, ça m'arrange, c'est ce qui est prévu. Question de ouf. Eh oui les amis, Clément, est-ce que tu regardes Games of Thrones? Pas du tout. Ah, tu regardes pas ça? Pas du tout. T'es sur quelle série toi? Moi je suis sur Friends et je vais spoiler le truc. Chandler et Monica finissent ensemble. Oh non. Et ouais, je vous le dis. Ok, on le savait depuis 10 ans. Je t'écoute pour Clem. La question c'est quelles sont les phrases de drague les plus reloues que vous ayez entendues? Merci les filles d'avoir été aussi nombreuses à répondre. Alors comme phrase de drague la plus reloue, j'ai une fois, t'es comme une locomotive, t'entraînes tout le monde, on a envie de te suivre. Tu as des yeux bleus magnifiques, j'ai l'impression de nager dans une piscine. Toi et moi, on a plein de choses en commun, par exemple les transports. Ouais, la pire phrase de drague qu'un mec a pu me sortir, c'est « Tu n'aurais pas un plan car je me suis perdue dans ton regard. » N'importe quoi. Vite, apportez-moi un vase, je viens de tomber sur une jolie fleur. Excusez-moi mademoiselle, j'ai perdu mon numéro de téléphone. Est-ce que je pourrais emprunter le vôtre? Mais bien sûr. J'espère que tu as un paratonnerre car avec moi tu vas avoir un vrai coup de foudre. Si le charme était imposable, tu aurais payé la taxe à 75%. Dans la catégorie lourdeur, j'ai eu le droit à « tu es aussi craquante qu'une biscotte ». Dis-moi, ton père, ce serait pas un voleur? Non, parce que je crois qu'il a volé les deux queues des étoiles pour les mettre dans tes yeux. Franchement, les mecs, arrêtez avec ça, c'est... Question de ouf. Merci pour toutes vos réponses les amis. La question de ouf, retour dans une heure bien sûr dans le Virgin Tonic. Et tout de suite, Evangeline, My Kingdom, voilà ce qu'on écoute. Here we go. Virgin Tonic. Virgin, let's go. Hey. Tonic. If I let you in, it's dark and quiet. A simple sleep. My mind moves miles. Take you away. Golden throne, eyes like the moon, they're dark and quiet. Take me away to my golden throne. Close your eyes, you're fine, blink twice. Take a hit, let it sink in. We'll be right back. tous sur Virgin Radio. Je me fais engueuler par le patron de Virgin Radio. Il paraît que je ne dis pas bien Evangeline. Yvan, comment on le dit? Evangeline. Très bien. Bah, donc à l'avance, ce sera Yvan Attal. Je vous le dis maintenant, quand on jouera ce morceau, ce sera Yvan Attal. J'adore. Pour My Kingdom. Eh bah, ben voilà, le patron, ça lui apprendra à me souffler dans les bronches. Bon réveil sur Virgin. Ah bah je suis comme ça moi. Ouais, t'as raison. Moi je suis gentil mais je peux me fâcher. Hein. C'est bon. Ou Yvan des livres, comme un bibliothécaire. C'est plus facile, c'est plus français. Ou Yvan le bloc. Vous aussi, proposez-nous le nouveau nom de cette chanteuse. Je m'excuse si je l'ai écorché, en tout cas voilà, j'ai fait de mon mieux. Dorénavant c'est Yvan Attal. Oui Laure. Il y avait quand même plus évident, hein, excuse-moi. Quoi? Oui. Bah Evangélie. Evangélie, ah ouais, ouais. Non. Ouais, mais là j'allais trop me faire engueuler, je pense. Ouais, là tu vas trop loin. Et attention, parce que je suis rebelle. Ah, mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Ouais, ouais. Ah, donc, tu es le foufou. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans voiture. Vous le saviez, l'équipe? Oui. Jeudi 22 septembre, c'est la journée mondiale sans voiture. Clément, calme-toi. Mais j'ai vu ça aux infos hier soir. Clément, c'est la première fois que je dis un truc qui est au coin. Ouais. Je sais, on va là, en fond, là, ici. Mais non, mais j'habite à 15 km. Je suis venu à pied. Clément, je vais te le dire en ami, descends d'un étage. Là, t'es thermostat 7, mon pote. Tu viens thermostat 4, à feu doux. J'aimerais un Clément à feu doux. C'est la voiture, le sujet voiture m'énerve. Clément, t'es en train de péter un boulot. Ouais. Les amis, vous tous qui êtes en voiture, vraiment beaucoup de courage. Je sais, peut-être que vous partez tout juste de chez vous. D'autres sont déjà dans les bouchons à cette heure-ci. Quoi qu'il arrive, journée mondiale sans voiture. En général, personne ne la suit. Il y a tout autant de voitures, n'est-ce pas, Clément? Moi, j'ai pas de voiture déjà à la base. Je suis concerné par cette voiture, exactement. Parce que j'adore prendre Clément, la voiture. Je vous jure, je lui dis, est-ce que vous savez que c'est la journée mondiale? Il est tellement heureux. Oui. Il a même jeté son chapeau comme dans les universités américaines. Genre, il a une heure. On dirait qu'il vient d'avoir un diplôme. Quoi. Yes! Oh là là, je vous jure. Clément, excuse-moi. Mais non, mais je vais même pas en voiture. La voiture, c'est de la buée, alors que scooter, c'est plus pratique. Bah, exactement. Voilà, galère de voiture. C'est quoi le truc qui vous rend dingue en voiture? Alors, je sais pas. Laure, moi, on vient tous les matins en voiture. Oui. Et qu'est-ce qu'est le truc qui te rend dingue? Alors, je vais vous demander, vous aussi, qui êtes certainement en train de m'écouter là sur le trajet, qu'est-ce qui vous rend fou? On partage ça ensemble. 3916 pour nous joindre, Laure. C'est la frite. Quand je prends le McDo aux enfants et qu'ils mangent dans la voiture, c'est la frite qui reste coincée entre le. Elle est horrible, ça. Elle me rend folle, cette frite. J'ai pire que la frite. C'est quoi? La potétose. Parce que la potétose, elle s'écrase. Ah. Et ça devient un écrasé de pommes de terre. C'est insupportable. Ah, c'est insupportable. Ça me rend dingue, voilà. Bon, ouais. C'est bête, mais. C'est insupportable. Est-ce que vous saviez que les frites de McDo, à l'intérieur, elles sont creuses? Ah ouais? Je vais l'étonner surtout maintenant. J'ai toujours peur maintenant que Clément ait une info aussi, parce que j'ai peur, voilà, j'ai peur que ça vous énerve en voiture. Les frites de McDo, en fait, elles sont creuses à l'intérieur, donc il y a très très peu de pommes de terre. Ah ouais, c'est l'arnaque. Eh ben oui, c'est un peu l'arnaque. Qu'est-ce qui vous énerve en voiture, les copains? Tiens, Nico du bureau, lui aussi, qui est en voiture. Ouais, bah avant les frites et avant que les enfants mangent des frites dans la voiture, il faut les attacher. Et il y a quand même un truc qui est gros. Faut attacher les enfants. Non, mais attends. Ouais. C'est quoi, maintenant, il faut avoir bac plus 5 pour mettre un siège auto. Ouais. En fait. Ah ouais, mon frère, pour mon neveu, il me l'a passé cet été. Impossible. C'est impossible. C'est impossible. Il faut le passer par derrière. Il y a des crochets. Il y a tout ce que tu veux, sauf. Nous, on arrête, on le met sur la galerie. Ouais. On a acheté chez Noroto une galerie de toit. On l'ouvre, là, on le met dedans. C'est le top. Ne le faites pas chez vous, ouais. Hein, évidemment. Oui, Laure. Et ce qui est encore plus horrible, c'est que le mode d'emploi, on dirait que c'est un truc pour te compliquer encore plus la vie. C'est-à-dire qu'il y a rien de plus compliqué que le mode d'emploi d'un siège auto. Je pense qu'ils ont un peu réussi quand même à résorber ce problème de poussette. Parce que maintenant qu'elle, c'est de plus en plus simple avec les poignées et tout. Et on part sur le siège auto. Maintenant, il faut vraiment qu'ils arrivent à simplifier ça. Quelque chose. Benjamin, mon bichon, tu es en voiture le matin ou pas, toi? Salut. Oui, salut. Ouais, je suis en voiture le matin, ouais. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a un truc qui te rend dingue, qui t'énerve plus que tout le reste? Ah bah, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est quand je viens de laver ma voiture et qu'il y a une personne, je vais pas dire le nom, mais qu'il y a une personne qui me passe devant et qui me pousse ses essuie-glaces. J'ai la voiture qui est toute naze juste après. C'est j'ai oublié de repasser mes essuie-glaces. Moi, il y a un truc qui me rend dingue, je sais pas si ça te le fait, Benjamin, en voiture, c'est quand tu prends un pote à toi ou quoi pour la première fois en voiture et qu'il veut fouiller dans toutes les petites caches. Ah oui, c'est chiant ça. T'es là? Il pleurait dans la voiture. Non, tu mets tes lingettes là, toi. Et tu, il est vide, hein, de lunettes. Mais fous-toi-moi la paix. Il se mêle de tout, ce gars. C'est vrai ou pas? C'est pas possible. Pauline, au standard, t'as pas le permis, toi? Ben non, mais mon père, il s'énerve très souvent en voiture et quand il y a quelqu'un, en fait, qui est garé sur sa place devant chez lui, alors que bon, bah, il n'y a pas marqué son prénom dessus, mais pour lui, c'est sa place. Ah d'accord, oui. Et elle n'est pas lui à la base. Enfin, bon, pour lui, oui. Mais il note en fait la plaque d'immatriculation, ce qui ne sert à rien. Donc il a une grande liste de plaques d'immatriculation. Un jour, je m'en occuperai de ça. Ouais. Un jour, il s'en rappelle. Oh, bah, ça fait 15 ans que j'ai vendu ma voiture. Ouais, mais il y a 15 ans, tu t'es mis sur ma plaque. Mais alors que la place, c'est pas à lui, elle se garde pas genre devant son garage. Bah, c'est devant chez lui. Donc ça lui plaît pas. Ah, vas-y, supporte pas. Je peux comprendre. Émilie, ma chérie, qu'est-ce qui t'énerve, toi, en voiture? Ben c'est le con qui je me garde le soir et c'est le con qui relève ma plaque tout le soir du côté de Bordeaux. Tu me dis non, ma petite Émilie, c'est quoi toi, ma belle? Bonjour. Salut, moi ce qui me rend folle quand je conduis, c'est les piétons qui traversent alors que le bonhomme est rouge. Ouais. Il s'engage toujours au moment où mon feu à moi passe au vert et me regarde droit dans les yeux, histoire de voir si je vais les écraser ou pas, tu vois. Et ça, je supporte. Je comprends. Puis surtout, des fois, quand même, les piétons, c'est vrai que des fois, tu dis, mais gars, t'es en Kevlar ou quoi? Tu vas perdre face à une voiture. Bah, c'est ça. C'est que des fois, on dirait, ils se font des ambiances de jeux vidéo, de ouais, je suis sûr, je reste en vie. Et les gars, ils traversent à des endroits, tu dis, mais c'est pas possible, Willor. Oui, c'est très dangereux. Merci à toi. Je vous explique quand même, c'est que Laure, ça fait une heure qu'elle veut prendre la parole. Je lui donne la parole pour dire c'est très dangereux. Émilie, je pense qu'il faut que tu attaches les enfants derrière toi. Ils sont mal attachés dans la voiture. Hein. Oui, oui, oui. Bon, je t'embrasse très fort, ma belle. Gros bisous. Bisous à toi, bisous, ma belle. On est sur du kidnapping, là. LP, les amis, Lost on You, voilà ce qu'on écoute dans le Virgin Tonic. Je vous souhaite un excellent réveil. Je vais payer votre loyer, bien sûr, loyer au 7-12-13 par SMS. N'hésitez pas à vous inscrire. Il suffit d'un texto pour être déjà le deuxième gagnant de la matinée. On revient dans un instant, c'est jeudi, c'est le Virgin Tonic avec vous. En ce moment, avec les affaires Bricoman, des 800 euros d'achat cuisine, le plan de travail stratifié 3 mètres polyré est offert. Offre valable du 23 septembre au 19 octobre 2016 sur caisson, façade, crédence, évier, robinetterie, électroménager et autres accessoires cuisine. Plus d'infos sur bricoman.fr. Ayez le bon réflexe, rapportez votre marchandise en trop, voire conditions en magasin dépôt. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Imaginez-vous libre avec Boursorama Banque. Libre de ne payer aucun frais de tenue de compte et libre de profiter d'une carte bancaire totalement gratuite. Libérez des frais, en fait. Libérez-vous de la banque. Essayez Boursorama Banque. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 euros offerts pour toute première ouverture d'un compte bancaire. Voir détails des tarifs sur brochure tarifaire. Offre valable jusqu'au 12 octobre 2016. Détails de l'offre et des services sur boursorama-banque.com. Juan va tester à l'aveugle deux cafés. Le café carte noire à 5,94 € le lot de 2 x 250 grammes, puis le café Lidl à 2,69 € le lot de 2 x 250 grammes. Juan, j'aime. Et j'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur café carte noire non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Carte noire, 11,87 € le kilo. Lidl, 5,38 € le kilo. Air France. France. La France. Is in the air. On la reconnaît à des kilomètres à la ronde. Éventail fleurs de lotus, lunettes de soleil et robe col Mao, la française en Chine a décidément de l'allure. Ni hao, bonjour. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez Pékin au départ de Paris à partir de 488 € aller-retour, tout compris, jusqu'au 29 septembre. Tarif aux frais de service pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. Votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Et c'est le coup d'envoi de l'automne aujourd'hui avec du soleil sur tout le pays, du grand beau temps sur la Méditerranée, la vallée du Rhône et le Grand Est, de très belles éclaircies sur la région parisienne et les Hauts-de-France, et puis à peine de rares averses ce matin sur les côtes de la Manche. Vous aurez 17 degrés cet après-midi au Mont-Saint-Michel, 18 à Brest, 19 à Colmar, 21 à Lille, Strasbourg et Biarritz et Chambéry, 22 à Clermont-Ferrand, 23 degrés à Paris, Vincennes, Lyon et Nice, 24 à Marseille, 25 à Bordeaux et 26 à Toulouse. Bon réveil. Il y a quoi, la télé? Elle Girl, la nouvelle chaîne où les femmes prennent l'écran. En exclusivité sur Elle Girl, The Ellen DeGeneres Show. The Royals, la série avec Elizabeth Hurley qui sème l'anarchie dans la monarchie. Et Catwalks, le magazine d'une décennie de mode décrypté par Ina Moja. Elle Girl, tout l'esprit de Elle dans un écran très girl. Uniquement dans les offres canal. Mais il y avait quoi avant à la télé? Dans Duotime, il y a Duo pour deux et Time pour le temps. Et oui, avec Duotime, le temps d'être deux est venu. Appelez le 08 92 05 04 03. Euphonia 34 centimes la minute. Virgin Radio présente Virgin Tonic, la compile officielle avec Richard Orlinski, Imani, Kooms, DJ Snake, LP, Calvin Harris, The Avenger. Charlie Puth, Julien Peretta, Jonas Blue, Virgin Tonic, c'est la compilation. Match au 73-200, nos experts vous disent si vous êtes vraiment compatible. Match, M-A-T-C-H, au 73-200. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Virgin Radio TV. Retrouvez sur votre télé tous vos appareils connectés. La playlist. Pop, rock, électro, en image. Hi, it's Taylor Swift. Salut, c'est Chaka Funk. Bonjour, c'est Stromae. Hey, it's Ed Sheeran. Retrouvez-nous. Découvrez mes clips. Regardez mes clips. Make sure to watch me live on Virgin Radio TV. Virgin Radio TV. Retrouvez dès maintenant Virgin Radio TV, chaîne 93 de votre box Bouygues Télécom, sur Dailymotion et sur virginradio.fr. Regardez-nous sur Virgin Radio TV. 100% music. Virgin Radio TV. Rock. Electro. Tout de suite. Paye votre loyer sur Virgin Radio. Et bienvenue à tous les amis, bienvenue sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous les copains. On est très très très heureux d'être là chaque matin, 6h, 9h à vos côtés, avec Laura, salut, avec Clément, bonjour, avec la popo. Coucou. Du standard. Et puis surtout, je sais aussi que vous nous avez rejoints très nombreux hein, voilà, de jour en jour sur le Virgin Tonic. C'est aussi parce que voilà, on a un très beau cadeau, c'est qu'on vous paye votre loyer toutes les heures, tous les jours, 6h20, 7h20 et 8h20. Il suffit de m'envoyer un SMS. Loyer au 7, 12, 13. Dès qu'on a ce SMS, il est comptabilisé. On tire au sort. Dès que vous entendez cette musique, ça y est. Le tirage au sort a eu lieu. C'est fait par une machine, évidemment. Et on y va, on vous rappelle en direct. La question, elle est très simple. Quelle est la seule radio qui paye votre loyer? Vous me répondez Virgin Radio, où que vous soyez, là maintenant, peut-être en voiture, peut-être en train d'ouvrir les yeux, peut-être déjà au travail. Et on vous rembourse un mois de loyer, un mois de mensualité de crédit. Ça sonne? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Ça va bien. J'ai une petite question pour toi. C'est pas vrai. Eh oui, c'est vrai. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Ouais, ouais, ouais. Oh, je suis content. Quel est ton prénom? Laura. Laura, tu viens d'où, ma belle? Je viens de près de Metz, en Lorraine. En Lorraine, très bien. Et tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans une maison de retraite à Metz. Ah, d'accord. Eh ben, c'est un beau métier qui n'est pas toujours simple. On est ravis de t'avoir comme gagnante, en tout cas. T'as un loyer de combien du côté de Metz? 485. 485 euros. Eh ben, on est très heureux de te l'envoyer, ma belle. Ému, hein? Bah, je suis super contente parce que je vous écoute tous les jours et même encore ma fille, elle me disait: maman, t'as bien envoyé le message et tout. Donc, et j'ai ma voiture qui vient de me lâcher ce matin, donc du coup, ça pouvait pas mieux tomber. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a, ta voiture? Ben, je sais pas encore. Oh là là là là, ouais, ça c'est une galère. C'est une grosse galère, ouais, ma chérie. Je suis vraiment désolé. Bon, écoute, je suis très content. Je sens même les gens qui m'écoutent là sont très heureux qu'on te rende ce service, ma belle. On te fait le chèque. Tu le dépenses évidemment comme tu veux. Et puis j'en profite du côté de l'Est, voilà, de la Lorraine, Strasbourg, l'Alsace et tout. Je sais qu'on est très très écoutés. Merci de votre fidélité à vous tous, hein, aussi de ce côté-là, Clément. C'est la journée mondiale sans voiture aujourd'hui. Donc voilà, si ça peut te rassurer, juste aujourd'hui, si elle marche pas, aujourd'hui, c'est bien. Aujourd'hui, ça fait genre t'es écolo. À partir de demain, t'es en galère. Ah ouais, demain j'allais en galère, ouais, c'est clair. Oh là là, Malora, je t'embrasse très fort et encore félicitations. Ouais, bah merci beaucoup, hein. Franchement vous êtes au top, restez comme vous êtes, je vous écoute tous les jours et... Franchement, vous m'éclatez à chaque fois, quoi. Eh ben, t'es un ange, ma belle. Je te fais plein, plein, plein de bisous. Courage à toi et à vous tous qui êtes en train de m'écouter. On écoute nous, LP. Voilà ce qu'on va se passer pour le pop rock électro. Lost on You. Merci de nous être fidèles chaque matin. When you get older, plain or saner, will you remember all the danger we came from? Surrender years ago, and will you know? Smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted. the machinations, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. C'est le Virgin Tonic, c'est le 22 septembre, c'est jeudi aujourd'hui. Virgin Tonic. On vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de courage, vous tous, les garçons, les filles, les parents, les célibataires, les collégiens, les lycéens, vous tous en tout cas qui êtes peut-être encore à la maison, et puis je le sais déjà très très très nombreux en voiture, soyez prudents dans un instant, un point sur l'actu, on le fait tous les matins bien sûr à 7h30, et puis juste après, le réponse à tout, quand Clément descend dans la rue pour poser des questions aux enfants, mon Clément. Je leur ai demandé ce qu'était un Minitel, vous allez voir qu'ils sont pas tous au courant. Et ils sont pas tous au courant, bien sûr, et il y a Pauline, il y a Laure qui est là aussi, il y a Ginger. Ginger là-bas, oui, au fond. Salut. Comment tu vas, Ginger? Ça va super. Top pour 5. Yeah. Il y a Nico du bureau, bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est le 22 septembre. Il y a plein de choses aujourd'hui. Je vous le dis depuis le début de l'émission. L'automne. Journée mondiale sans voiture. Hey. Et Clément a raison. C'est aussi aujourd'hui officiellement. J'ai l'impression que l'été a démarré il y a 24 heures. Ouais, c'est déjà aujourd'hui officiellement l'automne, les copains. Oui. Et ouais, l'automne est généralement synonyme de prise de poids. Voilà ce qu'on en apprend dans la presse ce matin. Oui. C'est pas faux. Moi, c'est un peu toute l'année quand même. Mais non, mais c'est que l'été, on fait attention. Maillot de bain et tout. L'automne. Avec le nombre de pizzas 4 saisons que tu t'envoies, mon pote. Eh ben voilà. Non, mais là ça va, je maîtrise, j'ai pas le signe ultime. Tu sais, il y a un signe ultime, regarde, là j'ai une chemise. En fait, quand je me penche comme ça, regarde, on voit pas entre les deux. Je sens que j'ai grossi quand je me penche et que tu vois un peu mon ventre entre les boutons, c'est que j'ai grossi. Ouais, ça je suis d'accord, moi c'est le même signe. De toute façon, hein, on est tous pareils, on n'a pas la même morphologie, mais il y a tous des moments dans l'année où on prend un peu de poids, où on en perd un petit peu. C'est quoi le signe qui montre que là, va falloir démarrer le régime et que vous avez pris un peu de poids? Tiens, ma popo standard. Moi j'ai une chaise avec des lattes en fait dans mon salon et quand je m'assois dedans et que ça fait un rôti, que ça se coince un peu dedans, là c'est que j'ai grossi. C'est quoi toi, Malorette? Même si, attention, Laure, tu es. C'est quoi, toi, Malorette? Même si, attention, Laure, tu es nickel. Pauline aussi, d'ailleurs. Hein. Vous n'avez pas pris un gramme. Mais est-ce, quand ça vous arrive dans l'année, comment vous le savez? Bah, qu'est-ce que je rentre plus dans mes chaussures? Parce que moi, je sais pas si vous savez qu'on grossit des pieds quand on grossit. Oh. Un message, j'y crois pas. Ah bah, moi, enceinte, je chaussais du 39, je vous l'ai déjà dit. Je fais un 37, enceinte, je chaussais du 39. Quand il y a une paire de chaussures que je ne peux pas mettre, quand j'ai grossi. Et je sais que j'ai grossi quand je rentre plus dans mes chaussures. Ah ben moi j'ai un signe, moi c'est très simple. Quand je vois que j'ai grossi, c'est que je me laisse la barbe beaucoup plus longue que d'habitude parce que je commence à avoir un goitre. Mais oui, vous voyez, comme un pélican, on dirait que je vais livrer des trucs dans mon goitre. Et du coup, quand vous voyez que j'ai la barbe beaucoup plus longue sur les photos ou quoi, c'est que je suis vraiment en train de grossir. Oui, ma popo standard. C'est embêtant quand t'es une fille qui a un goitre. C'est pas faux. Alors, est-ce que vous savez que l'automne, les Français insistent plus sur les pâtisseries et les gâteaux? Voilà, à l'inverse, ils délaissent les légumes. C'est un peu le côté chaud, je pense. On a envie d'avoir chaud, on a envie de manger moelleux, quoi. Mais c'est pas seulement ça, c'est que les légumes d'automne sont un petit peu plus ennuyeux que les légumes d'été, quoi. En été, on a les tomates, c'est les poivrons, machin, c'est frais, c'est sympa. En automne, on est sur de la rhubarbe. Bien sûr, évidemment. Nico du bureau veut parler. Écoutez, vas-y, Nico. Moi, je pense que c'est pas du tout par rapport aux légumes, c'est par rapport au temps. Effectivement, le temps, il se rafraîchit, il fait beaucoup plus froid. Moi, j'ai envie d'une raclette en ce moment, je suis désolé. Ah, c'est trop tôt. Non, t'es irresponsable. Non, bah attends, on va où là? On va où? Alors, mange des raclettes au mois de septembre. Non, mais les mecs, c'est n'importe quoi là, les gars, putain. Mais vous êtes des fous. poil. Des raclettes au mois de septembre, on va où là? Mais là, attachez-le, quoi, le gars est fou. Véronique, ma chérie, est-ce que toi aussi il y a un signe qui montre que tu prends un peu de poids? Salut, salut. Salut ma belle. Écoute, moi le signe qui montre que je prends un peu de poids, c'est quand à la cantine, pour passer entre les tables, je suis un peu obligée de me mettre sur la pointe de pied pour pas faire tomber les bouteilles et les trucs. Là je m'inquiète et je me dis, ah, ça fait quelque chose. Je crois qu'on battra pas ce signe, les amis. Je prends du poids, c'est quand on passe entre les tables à la cantine, je me mets sur la pointe des pieds. C'est le meilleur signe au monde que t'as grossi. Oui, oui, ma Ginger. L'autre jour, je me suis appuyée sur un mur. Je croyais que j'avais des trucs. Le mur dans est les tombé. C'est un signe. Et c'était un mur Facebook. Pour vous donner une idée, c'est le truc qui est tombé. Je pense avoir pris 2-3 kilos. Bien sûr. Restez avec nous sur Virgin Radio. Véronique, je t'embrasse très très fort, ma belle. Courage à la cantine. Coombs, Don't You Know. Voilà ce qu'on va écouter. C'est qu'il est avec soi, qu'il a 19 ans, mais il s'appelle Valentin. Incroyable, ah ouais. Toujours avec Problèmes Info. Merci d'être avec nous, le Virgin Tonic à vos côtés tous les matins. Évidemment, beaucoup de courage à vous pour cette journée. Salut, moi c'est Lucas. Lucas Dubol, oui, je sais. Et Dubol, j'en ai. De quoi remplir une armoire. Hier, je démarre ma Citroën et là, le fameux message. Toi, va faire réviser ta voiture. Du coup, je prends rendez-vous sur Citroën.fr et sur le site, qu'est-ce que je vois pas? Avec l'opération Soyez malin et faites le plein, plus j'entretiens ma voiture, plus on m'offre du carburant. Ça va jusqu'à 280€. Là, c'est plus du bol, c'est un bidon. Et moi, je dis merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Conditions sur Citroën.fr. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, beaucoup de soleil aujourd'hui sur tout le pays, à peine quelques gouttes ce matin sur les côtes de la Manche. Le soleil va s'imposer sur toutes les régions au fil de la journée en ce premier jour de l'automne. 22 degrés en moyenne cet après-midi, 23 à Paris, 26 à Toulouse. La ville de Prague en tête des capitales européennes les plus cool. Classement de Slate.fr qui met donc la capitale tchèque à la première place pour sa vie foisonnante, ses transports et sa bière pas chère. Elle devance Vienne pour ses parcs et Berlin pour son offre culturel. Paris est cinquième pour ses musées. Amsterdam est plébiscité pour faire la fête. L'Europe où l'on pourra bientôt téléphoner sans frais d'itinérance. La Commission européenne a garanti la fin des frais de roaming pour les Européens qui se rendent dans d'autres pays de l'Union à partir de juin 2017. Les voyageurs pourront donc utiliser leur portable comme à la maison. Les dentistes grincent des dents. La profession estime que les soins de base sont sous-évalués. Le tartrage, les caries et autres dévitalisations ne rapportent pas assez. Les dentistes réclame donc de nouvelles hausses de tarifs. L'Inde a approuvé hier soir l'achat de 36 avions Rafale à la France. Le contrat avoisinerait les 8 milliards d'euros. Il sera signé en grande pompe demain à New Delhi. Premier Rafale livré dans 3 ans. Bernadette Chirac hospitalisée à son tour pour souffler un peu. Elle rejoint son mari à la Pitié Salpêtrière. La famille de Jacques Chirac a vivement réagi hier aux rumeurs annonçant la mort de l'ancien président de la République. Elle appelle tout simplement au respect de sa tranquillité. Deuxième nuit de violence à Charlotte dans le sud-est des États-Unis. Des tensions après la mort d'un homme noir abattu mardi par un policier lui-même de couleur. Un manifestant a été gravement blessé cette nuit. Le gouverneur vient de décréter l'état d'urgence et de solliciter l'armée. Un coup d'œil aux principales sorties jeux vidéo de la semaine. D'abord, les Seigneurs de Fer, l'extension de Destiny sur PS4 et Xbox One. Le jeu Firewatch, enfin dispo sur la console de Microsoft. La sortie aussi d'un nouveau jeu de combat en ligne, Warhammer 40000 Eternal Crusade. Et puis, pour ceux qui possèdent une PS Vita, sortie demain en France de Criminal Girls 2 Party Favors, interdit aux moins de 16 ans. Plus d'infos gaming avec la revue Jeux Vidéo Magazine. Côté foot, les compliments de Super Mario. Elle a une de l'équipe ce matin sur une photo de Mario Balotelli, le joueur niçois. A été le grand artisan du succès de l'OGC Nice 4-0 hier face à Monaco avec un doublé de Balotelli à la 30e puis à la 68e minute. Nice qui prend la tête du championnat après cette 6e journée de Ligue 1. La prochaine c'est dès demain, Toulouse PSG 20h45. Voilà pour l'actu, bon réveil. Merci à vous tous, j'espère que tout va bien dans vos vies, vraiment. J'espère que vous êtes heureux. Nous, en tout cas, on est là, on vous accompagne. On est tellement contents d'ouvrir les yeux à vos côtés tous les matins, 6h, 9h, sur Virgin Radio, avec Laure. Salut. Avec Clément. Bonjour. Avec la popo du standard, bien sûr. Courage à vous qui nous écoutez sous la douche. Courage encore plus à vous qui êtes déjà en voiture pour partir travailler. On vous a préparé plein de choses, les amis. Sincèrement, plein de choses. On a des cadeaux magnifiques à vous offrir. iPhone 7. iPhone 7. iPhone 7, voilà ce que je vous offre là, avant, même avant 8h, tiens. Avant 8h, je vous offre l'iPhone 7 grâce à nos copains de chez Brossard, ainsi qu'un voyage pour un concert privé à Paris. Voilà, si vous êtes loin de Paris, on s'occupera de tout, vous rencontrerez un artiste Virgin Radio. On est très heureux de vous faire ce cadeau. On vous envoie aussi en Australie ce matin. Ouais. Vous ferez payer, là encore, l'inscription, c'est au 3916. N'hésitez surtout pas, le son de Kungs qui arrive dans un instant. Le réponse à tout de Clément Lincrus qui arrive aussi. Mais avant, je voudrais vous parler de douche. Ah. Pas ceux au puer, non. Je voudrais vous parler de douche parce que j'ai trouvé une info incroyable. Oui. Réalisée par un grand dermatologue, un grand spécialiste de la peau, qui nous dit que prendre une douche tous les jours abîme la peau. Ouais, c'est pas bon. Eh ben vous voyez quoi, on parle même de prendre plusieurs douches par jour, c'est mon cas, enfin, le matin et le soir. Mais en fait c'est pas bon, et il faut pas se doucher tous les jours. Forcément un peu plus d'odeur, mais une peau de meilleure qualité, Laure. Oui, et en fonction de ta peau, si tu as la peau grasse ou la peau sèche, il faut se laver plutôt le matin ou plutôt le soir, et prendre plutôt des bains ou plutôt des douches. Voilà, voilà, Madame Crado, c'est tout. Trop se laver enlève la première fine couche de peau protectrice, qui protège notre peau des germes infectieux. Les spécialistes conseillent d'alterner une vraie douche et une toilette au gant de toilette, et comme voilà. Se lave le mec de Pauline, bien sûr. Non, l'infirmière vient le voir tous les mardis matins et qu'elle le lave au gant, Pauline. Non, mais ça va plaire cette news à mon neveu, parce que ma sœur, elle arrête pas, elle galère à le laver, cet enfant. Là, il est vraiment dans l'âge où il veut plus se couper les cheveux, donc moi, je ne sais plus la tête qu'il a, en fait. Eh ben oui, c'est il a les cheveux très longs, et ah ouais, c'est la période. Moi, mon neveu, j'ai découvert ça cet été, Raphaël, il y a 6 ans, et là, c'est la période nue. Ah, en fait, vu qu'ils ont pas le filtre et qu'il a chaud, il comprend pas pourquoi on peut pas, mais bon, on va pas faire des courses avec mamie nue. Il dit, les vêtements, ça tient chaud, c'est ridicule, autant se foutre. Il faut expliquer le côté, non, parce que les autres le font pas, parce que machin et tout. Là, il a sa période nue, lui. Oui, Clément. J'ai un conseil pour tous les parents, c'est les douches à thème. Moi, je fais ça avec mes neveux quand je dois les doucher. Je leur fais genre un thème rappeur, un thème militaire, en chantant sous la douche et tout. Et ça les motive et ils sont hyper contents d'aller prendre la douche. C'est drôle. Moi, j'étais chaud sur un truc, c'est que chez moi, chez mes parents, il y a une douche italienne et j'ai jamais croisé une italienne. C'était ça l'ambiance. J'ai vu Monica Bellucci et tout, je croyais qu'il y en avait d'autres, mais l'ambiance mais Gusta, tiramisu, rien, ça n'a pas fonctionné. Restez avec nous les copains, tout de suite c'est le réponse à tout. Réponse à tout. Eh oui, les enfants, vous avez réponse à tout. Vous êtes très, très, très mignons. C'est pour ça que toutes les heures sur Virgin Radio le matin, on vous pose des questions. Et si, comme nous, vous avez plus de 30 ans, vous avez connu le Minitel, pour les plus jeunes, c'est un peu plus compliqué. Je leur ai demandé ce que c'était. C'est quoi un Minitel ? Pour moi, c'est un réseau social. Genre comme MSN, où tu parlais sur l'ordi à tes amis et tout ça. Pour moi, c'est un tout petit téléphone avec les grosses antennes. Vous savez, comme dans les films, là, où le monsieur, il dit... Oui, allô, ça capte pas très bien sur mon Minitel. Et après, je te rappelle plus tard. En y réfléchissant bien, je pense que c'est un ordinateur, mais très ancien. En fait, c'est comme un gros boîtier avec un clavier. Ça date de quelle époque à peu près ? 2000, 1990, je sais pas. 1890. Ouais, c'est vieux, quoi. Ouais. Un truc de mon âge. Ouais. Il y en a un de vous qui a la bonne réponse. Mais je vous dirai pas lequel. C'est qui a la bonne réponse ? Ah, pour moi, c'est moi. Ouais, mais moi, c'est même pas mon avis, je suis sûr, c'est moi. Bah, c'est moi. Sinon, j'aurais pas dit ça. Ah, bah, vive le Minitel. Merci pour toutes vos réponses. Kums, Don't You Know, voilà ce qu'on vous a préparé pour le pop rock électro. Ça va vous donner le sourire. Ça va vous aider à bien démarrer votre jeudi. Courage à tous. Let's go ! Salut, c'est Kums dans Virgin Tonic. Virgin. I'm gonna ride. No, I'm gonna rock your back. Take it now, slow. Gonna rock your back. Don't you know, no. I'm gonna rock your back. tous, c'est jeudi aujourd'hui, le 22 septembre. Prudence, prudence si vous êtes déjà en voiture. Et puis patience hein, si vous êtes dans les bouchons. D'autres nous écoutent encore à la maison. On est en tout cas 6h, 9h à vos côtés chaque matin sur Virgin. Et c'est un vrai plaisir avec Laure, avec Salut. Clément, Bonjour. Avec la popo Coucou. Du standard qui a sélectionné quelqu'un pour jouer avec nous. Oui. Et pour repartir avec un très beau cadeau hein, vous l'offre tous les matins. Le pack Brossard avec iPhone 7 et voyage pour un concert privé à Paris. C'est Flavie qui a été tirée au sort ce matin. Bonjour Flavie. Bonjour Camille, bonjour l'équipe. Salut la Flavou, on est ravis de t'entendre. Tu viens d'où ma belle? Alors moi je suis en Bretagne, Guidel. En Bretagne? Une petite ville. Ouais. Ah, Guidel? Oui, une petite ville à la côte. D'accord, très bien. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis secrétaire médicale. Super, bien, vous êtes nombreuses à nous écouter les secrétaires médicales tous oui, les matins. On a le temps. Bah, t'as un amour, oh. Ma petite, on peut pas question de temps. Je sais que vous êtes nombreuses. Pareil, je sais aussi les infirmières, les aides-soignantes, les sages-femmes. Ouais, vous êtes très très nombreuses. Et bah les filles et les garçons, hein. Les filles et les garçons, attention, on y va. Ma chérie, on va jouer. Oui. Tu vas retrouver un groupe qu'on aime beaucoup. C'est les PV Brunes. On ah, y va. J'adore. Voici les PV Brunes. Et alors là, on est paf dans l'actu parce que on le disait tout à l'heure, si vous étiez avec nous, jeudi 22 septembre, journée mondiale sans voiture. Et ouais, les copains. Et donc, journée mondiale sans voiture, l'occasion de faire une vérif du code de la route ensemble. C'est, j'espère que t'as ton permis, Flavie. Hein. Oui, j'ai mon permis, mais je suis une blonde au volant. Donc, ah, c'est bon. Pas gagné. On va voir ça. Et merci d'applaudir et de les accueillir. Je suis très heureux. Des gars qui vont te chanter que des infractions. Tu devras dire si à la fin, tu as toujours ton permis ou si tu as perdu plus de 12 points sur ton permis. C'est les PV Prunes. Salut les mecs. Salut les copains. Salut à tous. Salut. Et ouais, merci pour les applauses. Ça fait toujours plaisir. C'est normal, les PV Prunes. Merci bien. C'est important. On n'avait rien à voir avec les PV Prunes. Ah, mais rien du tout. Tu vas vite le voir. Comme une affiche au mur. Alors je rappelle, hein, des infractions à la fin, est-ce qu'on perd plus de 12 points ou pas, c'est ça? Exactement, faut savoir si j'ai encore mon permis ou pas. J'adore ce D'accord. jeu, et vous qui êtes en train de nous écouter en voiture, ne reproduisez pas ce qu'ils vont dire, hein, c'est très important. Première chanson des PV Prunes, c'est à vous les mecs quoi. On y va. Je déboîte sans mon clignotant sur une départementale. Je roule à 130 à l'heure, je suis en retard au travail. Et ouais, j'ai pas mis ma ceinture parce qu'elle abîme mon style. Je colle le mec devant moi qui avance pas. Allez, dis-moi si je garde mon permis ou pas. Dis-moi. Laure était partie pour un deuxième refrain. Ouais, ouais. Oh là là là. Pas le temps. Flavie, ma chérie, oui, attention. J'ai un doute sur le clignotant, le nombre de points. Alors. Parce que j'ai mis 3 pour le 130 sur une départementale, 3 pour pas de ceinture. Donc c'est permis 12 points, parce que maintenant les permis font 6 points. Non, c'est un permis de 12 points. Ouais. D'après toi, est-ce qu'il y a plus d'infractions pour plus de 12 points ou pas? Lance-toi, ma petite Flavie. Il n'y a pas plus de 12. Et malheureusement, il y a plus de 12. Il y a plus de 12. Et ouais. Et ouais. Changement de direction sans que le conducteur ait averti, 3 points. Dépassement de 40 et 49 km/h, 4 points. Et oui. Ah, j'ai mis 3, non port de la ceinture, 3 points. Non-respect des distances, 3 points. 3 plus 4 plus 3 plus 3. Et égal 13. Permis gros. Plus de permis. Alors c'est pas grave, t'as plus droit à l'erreur, ma Flavie, on y va. Pour une deuxième série d'infractions, c'est les PV Prunes. On y va, ouais, on révise le code. On révise le code en rock'n'roll, c'est Exactement. Parti, c'est à vous. Un type me dépasse sur la gauche et moi je ne veux pas. Du coup j'accélère pour qu'il reste derrière moi. Il klaxonne mais j'entends pas car j'ai un casque audio. Je grille la priorité à droite à un berlingot. Dis-moi si je garde mon permis ou pas. Dis-moi. Ah, c'est moi. Ah, j'étais emballé, j'y pouvais chanter une heure. Flavie, ma belle, alors est-ce que d'après toi tu gardes ton permis ou pas avec toutes ces infractions? Le stress. Moi j'aurais mis je garde parce qu'un casque, il y a quoi? Casque, accélération. Il y a accélération. Et priorité à droite. T'as raison, t'as bien répondu, bah, ma belle. Tu gardes 12, ton permis, ouais. Moins de 12 points d'infraction. Accélération de l'allure par un conducteur sur le point d'être dépassé, 2 points. Port d'écouteurs, oui. De casque audio, c'est interdit, 2 points. Non-respect des règles de priorité, 4 points, 2 plus 4, égale 8, 12, supérieur à 8, on garde son permis gros. Vous va se jouer sur la dernière, les PV Prunes chantent des infractions de la route, à vous de deviner s'il y en a pour plus ou moins de 12 points. Si vous nous rejoignez, vous êtes avec nous dans le Virgin Tonic, 6h, 9h chaque matin. Les PV Prunes, ils chantent tout en live, hein. C'est parti, on vous écoute. Je fais marche arrière sur l'autoroute pour me sortir des bouchons. Je prends la borne d'arrêt d'urgence et je sors à Mâcon. Je roule direction Montélimar, j'ai un détecteur de radar. J'allume l'autoradio et je mets du Hervé Villard. Dis-moi si j'ai mon permis ou pas. Dis-moi. Bien joué. Alors attention. Que la marche arrière plus Flavie, d'après toi, est-ce qu'on perd le permis ou on ne perd pas le permis? On tout ce jour là parce qu'attention, on plaisante avec les infractions et tout, il y a quand même un iPhone 7 à la clé, le tout dernier iPhone. Flavie, ma belle, d'après toi? Alors moi je sais pas en termes de points, mais j'aurais dit il a plus son permis, parce que marche arrière sur la voie express, sur la bande d'arrêt d'urgence. Eh bien je vais te dire, on commence par une marche arrière. Vous qui nous écoutez en voiture, c'est important de vous le rappeler. Marche arrière sur l'autoroute, c'est 4 points. Bah oui. D'accord. Très dangereux, 4 points. Dangereux. Circulation sur une bande d'arrêt d'urgence, c'est 3 points. Transport, détention, usage d'appareils destinés à déceler, perturber les contrôles, un anti-radar quoi, un avertisseur de radar, c'est, écoutez, j'hallucine, c'est 6 points. Bah ouais, d'un seul coup. Écoutez du Hervé Villard, c'est 0 point. Mais ne le faites pas quand même. Les amis, vous l'avez compris, 4 plus 3 plus 6, ça fait 13 points, on perd le permis, c'est gagné pour ça. Ah, je suis très heureux, ma belle. Flavie, félicitations. Oh, je suis tellement contente. Et je voudrais qu'on remercie les copains de Brossard qui m'ont offert mon gâteau d'anniversaire lundi. Énorme. Et qu'on dit, on va vous faire des cadeaux toute la semaine. Et évidemment, on a voulu vous en faire profiter. Donc, grâce à Brossard, iPhone 7 et séjour à Paris pour assister au concert privé The Big Brownie Party. C'est le 18 novembre prochain, ma chérie. Tu monteras avec qui tu veux, d'accord? Ouais, super. Merci beaucoup. Merci à l'équipe. Et puis, j'espère que tu vas mieux. Oui, ça va mieux. Ça va mieux, ma chérie. Merci encore pour tous vos messages. Ça va mollo, mais ça va déjà mieux. J'aperçois à peu près qui est dans l'équipe. Je t'embrasse, ma Flavie. Je te fais plein de bisous. Allez, bisous, merci. Salut, au revoir. Bisous, ma belle. Je t'embrasse très, très fort. Restez avec nous tout de suite. C'est John Newman. Love Me Again. Excellent réveil sur Virgin. So long, where only fools gone. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.

On est en tout cas avec vous les amis. Dans un instant, un point sur l'actu. On le fait chaque jour à 8h, vous le savez. Et puis juste après, la question de Earth. Vous laissez tous vos messages sur notre répondeur, Clément. Et la question ce matin, quelles sont les phrases de drague les plus reloues que vous ayez entendues? Ok, pour répondre, 01 84 07 08 09. Et depuis ce matin, attention, on a lancé un hashtag. Oui. Lancé un hashtag. C'est-à-dire, vous allez sur n'importe quel de nos réseaux, hein, le Twitter, le Facebook, le Snapchat, le MySpace, tous les réseaux qu'on a, n'hésitez pas. Et vous répondez avec ce hashtag simple. Fallait que ça sorte. Ouais. Fallait que ça sorte. C'est tout ce que vous pouvez plus vous retenir de dire. Oui. Vous savez que c'est pas bon, hein, quand on retient beaucoup de choses, on se fait des ulcères. On peut même aller jusqu'à l'AVC, hein, ouais, on touche du bois. Mais je veux dire, c'est pas bon du tout. Et là, on profite ce matin sur Virgin Radio. Sortez. Dites-nous un petit peu, là, soulagez un petit peu toute cette bouilloire qui est en train de monter en vous, Laure. Et oui, parce que la maladie, c'est le mal à dire. La maladie, c'est le mal à dire. Il faut dire okay. Les choses. Merci Michel Simès. On me le bascule sur le magazine de la santé. Oui Clément. J'ai un fallait que ça sorte pour ma coiffeuse. Ah vas-y. Alors je voulais dire à ma coiffeuse que je sais que quand tu montres pas l'arrière de ma tête, c'est parce que tu t'es loupé. Fallait que ça sorte. Non mais c'est vrai. Mais ça fait du bien. Ah, ouais. Je peux t'en faire un, j'en ai un pour toi. Ah ouais, vas-y. Faut que t'arrêtes de croire que tu sais danser la salsa. On fait beaucoup de soirées mon Clem. Je te le dis. Toute l'équipe qui sort en voir avec toi. Tous les gens dans la boîte de nuit. Mais, non, tous mais... les gens qui ont un jour vu un cours de salsa. Mais non. Savent que tu ne danses pas la salsa. Il n'y a que toi qui crois que tu sais danser la mais salsa. Parce que tu trouves que c'est de la salsa. Et non, c'est que c'est un autre truc qui n'est pas encore arrivé. C'est une presque salsa et ça va cartonner bientôt. C'est une dégueulasse ça. C'est pas salsa, c'est dégueulasse ça. Oui, Mathieu. Non, mais Clément, il danse en fait comme dans Dirty Dancing. La seule danse qu'il connaît, il l'a apprise dans Dirty Dancing. Bah, bien sûr. Donc c'est ça, ça court. Ah oui, bah, plus dirty que dancing. Plus sur ce penchant-là. Pauline aussi, tiens, soulage un petit peu un truc que t'as en toi. Et puis, on a rappelé plein de monde, bien sûr, au standard, hein, qu'on réagit avec ce hashtag. Ouais. Fallait que ça sorte, Pauline. Ouais, c'est pour Ginger. Ginger, je ne veux pas aller à tes soirées silence le vendredi soir. Et puis maintenant, je suis en couple. C'est horrible. Fallait que ça sorte. J'en peux plus. Je peux pas supporter ces soirées où on met des casques et alors, chacun écoute sa musique. Faut expliquer, voilà, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas encore, mais c'est vraiment en train d'être une tendance incroyable. Ça vient des États-Unis, en fait. Plutôt qu'avoir beaucoup de sons et que les voisins demandent de baisser, chacun a un casque. Il y a 3-4 ambiances différentes. Ouais. Clément met la salsa. Clément, il danse la salsa, on dirait qu'il est en train de se faire taser par un policier. Ouais, les gars, on dirait que c'est la même chose. Et donc, chacun, en fait, a son ambiance, mais du coup, ça coupe les... Ça coupe, moi je suis d'accord avec Pauline, je supporte pas ça. Les rapports. Ça coupe tous les rapports, on peut pas discuter quoi. Laure. Moi je trouve ça génial, mais Ginger ne m'invite jamais en fait. Hashtag fallait que ça sorte. Oui, bah, Ginger. Tant que vous n'avez pas testé, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est bon. J'ai testé. Justement, on discute vachement avec les gens. T'as qu'à baisser ton casque, tu peux parler avec tout le monde, c'est trop bien. Je supporte. On va faire des matinées silencieuses. On va surtout lancer ça. Cédric Monbichon, on t'a rappelé au 39-16, je suis ravi de t'accueillir sur l'antenne. Ça va mon pote? Ça va, salut tout le monde. Salut mon poteau. Alors dis-moi toi, quel est le truc typiquement, voilà, t'as envie que ça sorte, t'as envie de te soulager un peu ta conscience? Bah moi c'est pour ma chérie, j'ai envie de lui dire chérie, j'en ai marre que tu fasses des duck faces sur chacune de nos photos, j'ai honte, je peux pas les montrer à mes potes, honnêtement, fallait que ça sorte quoi. Sérieux, faut que ça arrête quoi. Ouais. C'est la bouche en cœur ça. La duck face, voilà, c'est la bouche en cœur. Moi, je sais que ma chérie, dès qu'elle se maquille, dès qu'elle se prépare, elle est en duck face systématiquement, mais ça rend même plus compte. Voilà, j'avoue que c'est un peu insupportable. Hein. Moi, c'est déjà c'est sorti. C'est pas la bouche en cœur, c'est la bouche en canard. Hein. C'est la bouche, oui. Ah, mais la frontière est faible, la frontière est fine. Et toi, ma petite Aurélie, c'est quoi? Toi aussi, on t'a rappelé, fallait que ça sorte, ma belle. Salut tout le monde. Bah oui, écoute, moi, j'ai un petit message à passer à mon patron. Parce que depuis que je travaille pour vous, je n'avais pas encore réussi à avoir ma paye le 30 de chaque mois. Donc il faudrait qu'on se mette d'accord. On est au mois de septembre, dans 8 jours c'est le 30. Donc si je pouvais l'avoir le 30 et pas le 3 ou 4 du mois prochain, ce serait super. Fallait que ça sorte. Je suis d'accord. Ah ouais. Je suis d'accord, enfin, s'il faut commencer à payer ses salariés. Oui, Nico du bureau. Ah bah, du coup, j'en ai un pour ma fille. C'est quoi? Mon bébé, c'est juste les fiches de paye de papa, justement, c'est pas du papier conson. Parce que si tu veux, quand tu vas chez ton comptable et que t'as des dessins, des rivières et des maisons sur tes fiches de paye, à un moment donné, ça la fout mal. La vraie info, c'est de savoir que t'es payé pour ce que tu fais, toi. je l'apprends en même temps que vous sur l'antenne, hein, les amis. Hein. Aurélie, je t'embrasse très très fort. Merci en tout cas d'être avec nous le matin. On fait une petite pause. Juste le temps d'écouter les infos avec tous les journalistes qui se réveillent près de vous chaque matin. Ils sont plus de 60 en France à vous préparer une info qui vous concerne vraiment, qui vous intéresse. On écoutera aussi le son des 21 Pilots, bien sûr, dans un instant. Belle matinée sur Virgin Radio. On revient là dans deux secondes. Radio. Virgin. Your radio. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, il va faire beau encore aujourd'hui sur l'ensemble du pays. À peine quelques gouttes ce matin sur les côtes de la Manche, mais ce sera du soleil sur toutes les régions au fil de la journée, ce premier jour d'automne. 23 degrés cet après-midi à Paris et à Vincennes, 24 à Marseille, 25 à Bordeaux. La France bien embêtée par une affaire délicate. Deux policiers belges ont été arrêtés mardi soir à Nieppe dans le Nord par la police française. Ils conduisaient un camion dans lequel se trouvaient 13 migrants. Les deux policiers belges ont été conduits au commissariat d'Armentières pour y être entendu. En Belgique, un syndicaliste assure que ses collègues ont été menottés, ce qui serait contraire aux pratiques habituelles entre les deux pays. Les autorités françaises désapprouvent l'initiative et tentent de recoller les morceaux. Jacques Chirac n'est pas mort. L'ancien président de la République est toujours hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière où son épouse Bernadette a également été admise hier. La famille Chirac demande de bien vouloir respecter sa tranquillité. Plus aucun frais d'itinérance pour les appels et les SMS en Europe. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais la Commission européenne l'a promis hier pour l'été prochain. Dès juin 2017, il n'y aura donc plus de frais de roaming pour utiliser un portable dans un autre pays de l'Union. C'était une promesse de François Hollande à la présidentielle de 2012, créer 60 000 postes dans l'éducation après les 80 000 emplois supprimés sous Nicolas Sarkozy. À l'heure de son entrée en campagne pour 2017, l'actuel occupant de l'Élysée met les bouchées doubles. Les 60 000 postes promis seront bien inscrits dans le prochain budget. L'Inde valide la commande de 36 avions Rafale au groupe Dassault. Le premier avion de combat sera livré dans 3 ans en 2019. Le contrat de quelques 8 milliards d'euros sera signé dès demain à New Delhi. Une nouvelle nuit de violence à Charlotte aux États-Unis. De nouvelles émeutes après la mort d'un homme noir tué mardi par un policier lui-même de couleur. Des heurts ont éclaté cette nuit encore et un manifestant a été très grièvement blessé. Le gouverneur a décrété l'état d'urgence. Nice désormais aux commandes du championnat de France de football. Nice en tête après sa belle victoire 4-0 sur Monaco hier lors de la 6e journée de Ligue 1. Monaco est 3e avec le PSG entre les deux journées qui s'est achevée par le succès de Rennes 3-2 sur Marseille. Et c'était aussi hier le coup d'envoi du championnat de handball. Bon démarrage pour le PSG qui s'est imposé 28-22 sur Cesson Rennes. Et puis arrivederci Roma, titre l'équipe ce matin. La capitale italienne a confirmé hier le retrait de sa candidature pour les Jeux de 2024 après celle de Hambourg et de Boston. On vous en parlait depuis plusieurs semaines. Une folie financière selon la maire de Rome, Paris reste en lice face à Los Angeles et Budapest. Désignation de la ville hôte en septembre 2017 au Pérou. Voilà pour l'actu. Très bon réveil, les amis. Excellent réveil à vous tous, bienvenue sur Virgin Radio. Si vous nous rejoignez tout juste, l'équipe est là, évidemment. Oui, jeudi, aujourd'hui, le 22 septembre, 8h03, bientôt 4. On est avec vous comme chaque matin. J'ai une info géniale qui concerne les réseaux sociaux. Je vous la donne dans un instant. Peut-être que je la prendrai à Ginger qui gère les réseaux tous les matins. Avant ça, je vous rappelle que c'est 21 Pilots qu'on va écouter pour le pop rock électro. Que notre petit Clément Lincruste vous a préparé une question de ouf comme tous les matins. Et je vous souhaite encore un bon réveil. Vous ouvre encore les yeux, puis vous qui êtes nombreux déjà en voiture pour déposer les enfants à l'école pour partir bosser. Et donc, est-ce qu'elle savait, la Ginger, que Twitter va débloquer la règle des 140 caractères? Alléluia! Eh ben oui, je savais. Mytho. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ah bon? Ouais. Alors vas-y, c'est quoi? Alors en fait, ça va permettre de pouvoir partager des photos, des liens, etc. sans que ça compte dans les 140 caractères. C'est bien, voilà. C'est bien. Ça prouve qu'elle elle suit là-dessus. Ouais. Exactement. C'est que Twitter, c'est 140 lettres maximum caractères. Ouais. Et quand on mettait une photo, d'un coup, ça en prenait peut-être 30. Mm-hmm. Voilà, ça c'est terminé. Pauline au standard. Mais je suis contente que ce soit juste pour rajouter des photos et tout ça, parce que sinon, ça casse le concept de Twitter. On écrit des pavés comme sur Facebook. C'est énervant. Là, je viens de donner un orgasme à tous les community managers de France. Pour eux, vous rendez pas compte. C'est fort. Mais bien sûr. Mais pour eux, c'est énorme, Clément. Non, mais à ce rythme-là, il y aura plus de différence entre Facebook et Twitter. Mais à ce rythme-là, Clément, le monde devient fou. C'est vrai. À ce rythme-là, on va faire quoi? On va tous être russes? Oui, non. Et puis qu'est-ce qu'on va faire après? C'est n'importe quoi. Mais le monde marche sur les mains, c'est les satellites, ça, Obama et tout. 21 Pilots, les amis, qui arrivent pour le moment. Question de ouf. Question de ouf. Ah là là, qu'est-ce qu'on adore ce rendez-vous. On a les meilleurs auditeurs de France, vous nous faites rire chaque matin. Vous laissez simplement vos messages sur notre répondeur. Et beaucoup de filles se sont lâchées aujourd'hui, puisque la question c'était: quelles sont les phrases de drague les plus reloues? Alors, comme phrase de drague la plus relou, j'ai eu une fois, t'es comme une locomotive, t'entraînes tout le monde, on a envie de te suivre. Tu as des yeux bleus magnifiques, j'ai l'impression de nager dans une piscine. Toi et moi, on a plein de choses en commun. Par exemple, les transports.

mentent aux enfants. Alors je vais me tourner vers les deux parents de l'équipe. Bah oui. C'est Laure, c'est mon Nico du bureau. Laure, est-ce que tu mens à ta fille? Mais des fois t'es obligé en fait. Tu vois là par exemple. Tu n'es obligé de rien. Oui, tu es obligé, monsieur. Tu verras quand tu auras des enfants. Par exemple, mardi, ma fille voulait aller passer la journée, donc c'est chez l'école, etc. Devant l'hôtel de Justin Bieber. Donc, ah oui, bah, d'accord. J'ai menti, j'ai dit il a changé d'hôtel et l'hôtel est tenu secret, on ne pourra pas savoir ce que c'est pour pas qu'elle y aille passer sa journée et perdre son temps. Ouais. Parce que sinon, sécher les cours pour voir Justin Bieber, c'est pas simple. Non. Parce que je rappelle, t'es allé au concert avec elle, tu lui as fait un beau cadeau, Clément. Alors des fois c'est par obligation et des fois c'est juste marrant. Moi, ma petite nièce, il y a des restaurants qui s'appellent, une enseigne qui s'appelle Chez Clément, et je lui fais croire que Chez Clément ça m'appartenait. Et ça fait un an qu'elle le croit. Moi je suis pas papa, j'ai juste un neveu et il passe souvent les week-ends chez moi. Et j'ai un truc, c'est que je lui dis la télé elle doit se coucher à 21h. Oh. Je lui dis ma télé elle est fatiguée, je dis elle est comme tout le monde, elle est fatiguée à 21h, elle est crevée, faut qu'elle s'éteigne, on peut plus mettre de dessin animé, faut qu'elle aille dormir. Mais j'adore. Il y croit, il a 16 ans. Oui, Clément. Jusqu'au jour où il y aura un match de Ligue des Champions à 21h, il va venir les déranger. Tu vas voir. Ma popo standard, est-ce que tu bons enfants? Et alors, je vais demander à Nico du bureau, qui est papa aussi, et puis dites-nous vous au 3916. Oui, moi j'ai fait croire à mon neveu que son kit de magicien marchait hyper bien, mais que je voulais qu'il me le fasse que le samedi matin parce que ça me rendormait et ça me permettait de faire la grasse mat parce que je l'ai enfin gardé un vendredi. Alors, mais c'est-à-dire, du coup, il te fait un tour de magie, tu dis oh, ça m'endort et je me recouche. Mais tout à fait. Et ça, il se croit hyper fort. Ah, et lui, il croit que tu dors parce qu'il t'a endormi. Oh, trop mignon. Oh, c'est mignon, c'est mignon. Nico du bureau, le papa, alors, et je vais prendre des parents au téléphone. C'est un petit peu dur pour la faire manger et au final je lui ai fait croire qu'il y avait du chocolat dans quasiment tous les aliments. Non, elle est trop. Bah ouais, mais non, mais après c'est plus dur sur le brocoli par exemple, tu vois. Parce que le brocoli c'est dur à faire manger aux enfants, mais une fois je lui ai dit ouais, c'est comme le petit filou. Elle a tenté, tu vois. Mais c'est bizarre. Alors que Clément met vraiment du chocolat dans tous ses aliments. Ouais, c'est très très bon. C'est le problème, oui, Laure. Mais t'es obligé de mentir sur les aliments. Au début, moi je disais que le riz c'était des pâtes parce qu'elle voulait pas manger de riz. Ouais, et les brocolis, on disait que c'était des petits arbres et du coup elle voulait bien les manger. Des petits arbres. Mais oui, mais on est obligé de mentir. Moi, je viens de la campagne et il y avait un agriculteur qui habitait juste en face de chez moi, que j'aimais bien, qui était très gentil. Et donc à chaque fois que ma mère nous faisait des haricots, elle disait c'est les haricots de Monsieur Fortoul. Voilà. Parce que du coup je disais oh, il nous les a amenés, c'est tellement gentil. Voilà. Et donc je me forçais à manger. C'était ceux d'Intermarché. Hein. Jérémy, mon pote, t'es papa ou pas, toi? Salut, mon pote. Salut, oui, moi, je suis papa d'une petite fille. Et alors, est-ce que toi, comme un peu l'équipe ici, hein, t'es parfois obligé de mentir aux enfants? Ah oui, quand on est à la fête foraine, je lui dis qu'au bout du troisième tour de manège, il faut vite partir en courant. Sinon, on est enfermé dans le manège, dans le noir. Il y a Monsieur Fortoul qui arrive avec une fourche. Voilà. Mais déjà, t'es gentil parce que déjà, trois tours, c'est déjà super. Ah ouais. Bah, du coup, après, t'as dit c'est pour te rassurer, le rassurer le bébé. Non, moi, c'est pour me rassurer moi, pour le coup. Hein. Bah oui, moi, j'ai pas envie de payer 4 tours. Bah c'est ça, mais bah ouais, qu'à attraper le pompon aussi. Bah, tu paierais moins de tours. Hein. Nico du bureau. Non, mais justement, la dernière fois que je suis allé à la fête foraine à Paris avec elle, elle avait déjà fait 3 tours. Et là, j'ai dit pourvu qu'elle prenne pas le pompon, pourvu qu'elle prenne pas le pompon. Je te jure, elle y arrive jamais. Là, elle a eu le pompon. Oh, mille ans de plus. Non, c'était horrible. En plus, Laure, la reine comme elle est, elle arrête pas de dire le pompon, le pompon, le pompon. Bah, détrompe-toi, une fois, j'ai été le payer le pompon pour qu'elle l'ait. Ah tellement bon, elle arrivait pas à la fin. Excusez-moi, breaking news. Vous êtes en train de me dire, Laure, il vous arrivait de payer un truc? J'ai payé pour qu'elle puisse avoir le pompon. C'est-à-dire que j'ai payé. Vous en arrêtez, fait, arrêtez-vous déjà, j'ai payé. Déjà, les gens, les auditeurs, les fidèles de l'émission se sentent pas bien en voiture à l'heure actuelle. Je sais. Audrey, ma chérie, t'es maman, toi? Oui, moi j'ai un petit garçon et il adore manger les crocodiles, les bonbons, et donc du coup, à chaque fois je lui dis que s'il en mange de trop, il va avoir un ver solitaire. Ah, moi j'aime bien les manger aussi, alors il y en a marre à chaque fois. Le ver solitaire. On a appris ça au collège, c'est le ténia, là. Ouais. C'est ce qu'on mange et on grossit jamais parce qu'on l'en nous. Et c'est vrai que c'est un truc enfant et tout. C'est un truc, ça nous marque. Si on dit, oh non, je veux tellement pas cette bête en moi, ça fait peur, Clément. Mais faut l'expliquer parce que le nom, il est cool. Quand tu sais pas ce que c'est avant, un ver solitaire, t'as l'impression que c'est un ami qui va y avoir chez toi tout le temps. Non. Mais ça donne envie. Ça te mange tout. Non, j'ai fait voir des photos, j'ai fait les photos. Ah, c'est horrible. Il touche même plus. Oui, Pauline. Ben, moi, au lycée, je rêvais de l'avoir. Parce que je me disais, tu restes toujours mince. Tu manges, mais c'est lui qui mange. Ouais, mais c'est dangereux, en fait. Oui, c'est dangereux. Mais t'es la seule qui rêvait de l'avoir parce que ça dégoûte. Ouais. Personne connaît quelqu'un qui l'a eu? Si, c'est horrible. Ah oui? Mon cousin, il l'a eu, le pauvre. C'était traumatisant. Il comprenait pas ce qu'il avait. Ça a duré des heures. C'est horrible. Oh. Ouais. Et il s'en est sorti? Bah, il va très bien. Hein. On doit l'enlever. C'est un truc. Clément. Moi, j'ai eu un truc comme ça. Tu sais, j'ai été maman mouche. Une fois, je me suis raconté, je m'étais fait piquer par un moustique. Arrête. Il y a eu une petite larve et du coup, j'ai accouché d'une mouche de l'épaule. Ah ouais, dans ton épaule, elles étaient des. Elle va bien en sixième là. André, Jérémy, je vous embrasse. Restez avec nous sur Virgin Radio.

Paye votre loyer sur Virgin Radio. Avec un petit peu de retard et on s'en excuse, toute l'équipe est là, bien sûr. On est la main dans la main, tous ensemble, la main sur le chéquier, prêt à vous payer votre loyer. On le fait toutes les heures, ça se passe bien depuis ce matin, hein. 6h20, 7h20, 8h20, vos trois rendez-vous chaque jour. Loyer au 7, 12, 13 par SMS. Voilà comment vous inscrire. On y va, c'est parti. Deuxième tirage au sort de la matinée. Troisième de la matinée. Parmi tous les textos reçus, vous décrochez, vous dites simplement Virgin Radio. Il n'y a pas de piège, on est la seule radio à vous faire ce beau cadeau. On a un petit prénom ? On a un petit prénom. C'est quoi ? Marie. Ok. Marie. C'est Marie ? Oui, bonjour. Bonjour, c'était pour être sûr, bonne journée. Marie, ma chérie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer ? Virgin Radio. Hey, ouais. Marie. Merci, j'adore. Merci. Marie, moi, c'est quoi ton histoire ? Je te dis la mienne, Corneille. Ah, il y avait petite Marie, c'était plus simple. Petite ouais. Marie, je veux un pour toi. Toi. Pour te nom. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait. Marie. C'est Marie. Oh Marie. Marie-Lou. Marie-Lou. Oh là là, il a ruiné la carrière de Polnareff. En une seconde. Marie, ma chérie, je suis très heureux. Je vais t'envoyer d'un chèque où déjà ? Alors, à Bouer, dans la Mayenne, dans le Pays de Loire. D'accord. T'as pas l'air sûr de là où t'habites ? Si. À Bouer, très bien, ma chérie. Et je suis très heureux. J'ai été un loyer de combien là-bas ? 575. D'accord, parfait. Tu fais quoi dans la vie ? Eh ben, je suis maman au foyer, handicapée un petit peu en ce moment, dans un fauteuil roulant. Mais... Oh mince ! Oh là là ! Voilà. Je me suis cassé le pied. Oh mon Dieu, comment t'as fait ça ? Eh ben, je monte à cheval, je fais de la compétition. Ah ben ouais. Et voilà. Eh ben écoute ma chérie, remets-toi bien. Maman au foyer, c'est le plus beau métier du monde. Mais bien sûr. Eh ben écoute ma chérie, fais ça à plein temps. Et puis surtout, rétablis-toi bien ma belle. On est ravis de te filer ce petit coup de main. Donc 575€, c'est ça ? Oui. Voilà. Eh ben le chèque part dès cet après-midi, d'accord ? Eh ben merci beaucoup en tout cas. On t'embrasse. Je t'écoute régulièrement. Ben t'es un ange. Et genre, dès que je passe du côté de Bouer, je passe signer ton plâtre. Ah bah pas de problème. Je t'embrasse fort ma belle. Merci d'être avec nous. En tout cas, restez là sur Virgin Radio. Imani, don't be so... Imari, don't be so shy. On se réécoute tout de suite sur Virgin Radio. Excellent réveil. Merci de nous avoir choisi. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heaps in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. My heart just raced so much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, here so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take take off my cologne. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Take off my clothes. Blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Vous, vous êtes dans le Virgin Tonic, soyez les bienvenus, c'est jeudi le 22 septembre. On vous souhaite beaucoup de courage, vraiment, à vous tous, hein, qui êtes, je le sais, encore nombreux en voiture, déposer les enfants, partir au travail, peut-être dans les bouchons. On pense très très fort à vous dans un instant. C'est l'actu, comme tous les matins, à 8h30. Et puis juste après, le réponse à toute Clément quand il descend dans la rue, poser des questions aux enfants. En parlant à boîte de nuit, je leur ai demandé s'ils avaient déjà été en boîte de nuit. Comme ils ont 9 ans, ils ont répondu non. Mais heureusement. Mais ouais, c'est marrant, comment ils imaginent les boîtes de nuit. Ouais. C'était un fantasme quand j'étais petit. Pauline au standard. Mais t'y allais hyper jeune, toi, vu qu'ils avaient une boîte de nuit, tes parents. Alors, moi, mon père, il a tenu une boîte de nuit de station de ski. Ouais. Et je suis allé jeune, mais de toute façon, en station de ski, on, ouais. C'est assez jeune, quoi qu'il arrive. Hein. À 11 ans, t'es considéré comme majeur. En fait. Il n'y a pas de règles chez nous, c'est d'autres règles. Hein. Mais sur 13 ans, tu peux conduire la voiture de ton père. Les policiers t'arrêtent et embrassent ton père. C'est assez. Non, mais en vrai, hein, là où je viens, il y a 600 habitants. Hein, donc, il y a plus de vaches que d'habitants. On est assez tranquille. Les amis, j'ai plein d'infos que j'ai récupérées sur Internet. Ouais. Cool. Vous connaissez Internet? Oui. Pas mal, hein. Je vais peut-être vous les faire découvrir. Vous allez me dire si c'est le cas ou pas. C'est des petites choses pour briller à la machine à café. Ok. Je vais être honnête avec vous. Hein. Il y a 5 minutes, j'ignorais aussi chacun de ces chiffres. Et ça vous permettra de briller, peut-être en soirée. On va prendre Teddy avec nous, tiens, au 3916. Bonjour Teddy. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Teddy, sois le bienvenu, mon pote. Tu vas me dire si tu savais ou pas ce que je vais vous dire. L'équipe, écoutez bien. Mmh. Ouais. Déjà, est-ce que vous saviez que les hommes infidèles... Est-ce que t'es infidèle, Teddy ? Oui, bien sûr. Non, pas du tout. C'est bien sachu que les hommes infidèles ont un QI plus élevé que les autres. C'est ça, peut-être des fois, vous me trouvez bas de plafond, vous qui m'écoutez. C'est parce que je suis un mec fidèle. Laure. Oui, ça, c'est un truc de mec infidèle, une excuse de mec infidèle. Mais non. Dire, non, mais si je suis infidèle, c'est parce que je suis très intelligent. Les hommes infidèles ont un QI, sont plus intelligents que les autres. Je rappelle que ton mec est dentiste, il a fait de longues études. Chacun pense comme il veut. On ça veut rien dire les études. Il a un QI d'huître, Juju. Non, je plaisante évidemment. Vu qu'il a choisi. Clément. Non, mais ça veut surtout dire l'inverse, que les mecs fidèles, ils ont peut-être juste pas eu l'idée en fait. Ça se trouve, mais t'as toujours été fidèle. Ah, j'ai pas pensé. Ouais, mais non, mais parce que je pense en vrai. Souvent, je me le dis. Mais les gens infidèles. Imaginez, c'est un peu une double vie. Ouais. C'est les textos, les trucs. Faire attention. Arriver à trouver des excuses. Cérébralement et dans la tête, ça doit être épuisant. Ouais. Oui, moi, je vous jure, si je suis fidèle, c'est par flemme. Je suis trop flemmard pour être infidèle, sincèrement. Pauline, au standard. Mais moi, ma meilleure amie, elle préfère sortir avec un mec un peu moche, enfin, qu'elle va pas trouver très beau et pas très intelligent, parce qu'elle me dit au moins, il me trompera pas. Mon père, il a une expression, il a toujours dit à ma mère, je suis pas très beau, mais jamais malade. Ça marche. Est-ce que vous saviez, tiens, Teddy, est-ce que vous saviez que les cacahuètes sont des légumes? Oui. Je vais prendre l'apéro plus souvent avec les collègues pour 5 fruits, 5 cacahuètes par jour. Je savais pas du tout. Vous le saviez dans l'équipe? C'est une légumineuse, non? C'est comment? Une légumineuse. Ouais. Écoute, moi je suis fidèle, j'ai que cette info. Je pourrais pas te dire. Légumineuse, pour moi, c'est un culture bitacé. Je pourrais pas t'aider du tout, du tout, du tout. C'est arachides. J'ai une info intéressante. Mm-hmm. Écoutez bien. Oui. Est-ce que vous connaissez James Bond? Oui. James Bond, un des plus grands James Bond de l'histoire de tous les James Bond, c'est Sean Connery. Ouais. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, voilà, c'est avant Daniel Craig, tout ça. C'est le meilleur. Eh bien, Sean Connery a été un jour contrôlé en excès de vitesse en voiture par un policier qui s'appelait James Bond. C'est génial. Incroyable. Tout ce que je vous dis, c'est pas hallucinant, Teddy? Oh bah grave, franchement. Franchement. C'est un peu coïncidence quand même. Ouais. Et c'est dingue. Ouais. Franchement, oui Clément. J'ai un pote qui fait un peu de théâtre, de spectacle, et il s'appelle Raoul Chipot. Et en fait, il a pris ce nom-là, un mec au collège, et il lui a dit, ton nom, il est tellement drôle, je vais faire du théâtre avec ce nom-là, un one man, juste pour faire connaître ce nom. Raoul Chipot. Raoul Chipot, c'est un vrai mec qu'il avait au collège, et du coup, il l'a pris en nom de scène maintenant. C'est incroyable. C'est il a pris un nom de quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, il commence à faire du spectacle. Mais moi, j'aimerais trop me faire arrêter un jour par vraiment un truc. Bonjour, brigadier Navarro. Non, mais tu vois, un gars qui a vraiment le nom d'un policier, ça doit être incroyable. Nico du bureau. En même temps, demain, tu croises un Camille Combal. Je pense que ça t'est jamais arrivé. Mais tu aurais quelle réaction? Non, je connais une Camille Combal. Ah ouais. Chez moi, dans les Alpes, je connais une Camille Combal très douée en surf et tout. C'est et je connais une Camille Combal. Ouais, qui a même nom que moi. Oui. J'espère juste qu'il a réussi à faire sauter le PV au moins, quoi. Je pense. Les amis, de quoi on parle. T'es dit, je t'embrasse fort, mon pote. Je vous embrasse, merci beaucoup. Salut à toi, merci d'être avec nous le matin, mon poteau, 3916. Restez là. On se fait juste un point sur l'actu. On reste avec vous, hein. On revient dans une poignée de secondes et on écoutera le pop rock électro. C'est The Strumbellas, bien sûr. D'ailleurs, on vous envoie les applaudir en Australie, tout frais payé. Je vous en parle dans deux secondes, bougez pas. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, beaucoup de soleil aujourd'hui sur tout le pays. À peine quelques gouttes ce matin sur les côtes de la Manche. Le soleil qui va s'imposer sur toutes les régions au fil de la journée en ce premier jour de l'automne. 22 degrés en moyenne cet après-midi, vous aurez 23 à Paris, 26 à Toulouse. La ville de Prague en tête des capitales européennes les plus cool. Classement de Slate.fr qui met donc la capitale tchèque à la première place pour sa vie foisonnante, ses transports et sa bière pas chère. Elle devance Vienne pour ses parcs et Berlin pour son offre culturelle. Paris est 5e pour ses musées. Amsterdam est plébiscité pour faire la fête. L'Europe où l'on pourra bientôt téléphoner sans frais d'itinérance. La Commission européenne a garanti la fin des frais de roaming pour les Européens qui se rendent dans d'autres pays de l'Union. Et à partir de juin 2017, les voyageurs pourront donc utiliser leur portable comme à la maison. Le placement en garde à vue d'un homme fiché S à Rouen, l'individu présentait un comportement suspect. Il a été repéré dans la fac de droit par un étudiant qui l'a suivi. Il a noté l'immatriculation de son véhicule avant d'appeler la police. La fac a été fouillée par mesure de sécurité. Deux policiers belges interpellés par la police française. Ils ont été arrêtés à Nieppe, dans le Nord, au volant d'un camion dans lequel se trouvaient 13 migrants menottés. Ils ont été conduits au commissariat pour y être interrogés, ce qui provoque un petit séisme diplomatique entre Bruxelles et Paris. L'Inde a approuvé hier soir l'achat de 36 avions Rafale à la France. Le contrat avoisinerait les 8 milliards d'euros. Il sera signé en grande pompe demain à New Delhi. Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, se rend sur place. Le premier Rafale sera livré dans 3 ans. Bernadette Chirac, hospitalisée à son tour pour souffler, elle a rejoint son mari à la Pitié-Salpêtrière. La famille de Jacques Chirac a vivement réagi hier aux rumeurs un peu folles annonçant la mort de l'ancien président de la République. Elle appelle au respect de sa tranquillité. Deuxième nuit de violence à Charlotte, dans le sud est des États-Unis, des tensions après la mort d'un homme noir abattu mardi par un policier lui-même de couleur. Un manifestant a été très grièvement blessé cette nuit encore. Le gouverneur vient de décréter l'état d'urgence et aussi de solliciter l'armée. En foot, avec les compliments de Super Mario à la une de l'équipe ce matin sur une photo de Mario Balotelli. Le joueur niçois a été le grand artisan du succès de l'OGC Nice. 4 buts à 0 hier soir face à Monaco. Nice en tête du championnat après cette 6e journée de Ligue 1 qui s'est achevée hier soir par la victoire de Rennes. 3 buts à 2 sur Marseille. La prochaine journée débutera dès demain avec Toulouse PSG à 20h45. Voilà pour l'actu. Tout de suite Virgin Tonic, très bon éveil. Salut à tous, soyez les bienvenus sur Virgin Radio si vous nous rejoignez tout juste. Belle matinée. Eh oui, j'espère que tout va bien pour vous. Je sais que vous êtes nombreux à être déjà au travail, à nous écouter au magasin, au bureau. Un grand merci. D'autres sont encore sur la route. Courage à vous tous. L'équipe est là en tout cas. Oui. À côté de vous, chaque matin. Tiens, je voulais vous donner une info qui vient du magazine Biba. Alors, vous êtes peut-être des nouvelles personnes. Moi, sachez que j'ai une passion absolue pour les magazines féminins. Je trouve beaucoup mieux fait que les magazines masculins. Et bien, dans ce magazine, on découvre qu'une université canadienne a fait une étude qui prouve que un Français sur quatre, déjà j'ai envie de dire aux Canadiens, foutez-nous la paix. Qu'est-ce que vous venez faire des études sur nous? Nous ne sommes pas des rats de laboratoire. Là, les Canadiens ont fait une étude. Un Français sur quatre fouille le portable de son chéri ou de sa chérie. Ouais. 25% des Français, pendant que vous êtes sous la douche, fouillent dans le portable. J'en fais pas partie. Je sais que Laure en fait partie. vraiment très occasionnellement. Ah, non, vraiment. Parce qu'il prend pas souvent de douche. Parce qu'il prend des bains. Son téléphone. Pauline au standard. Alors moi, pour mon mec, c'est malgré moi, c'est-à-dire qu'il me demande tout le temps, il sait pas comment se servir de son portable. Donc du coup, toi, c'est différent avec l'âge qu'il a, c'est toi qui lave avec un gant aussi. Oh, non. Il fait sa toilette quand il a fini sa compote. Non, mais parce qu'il savait pas enlever le T9, il comprenait pas. Il me dit non, ça écrit trop vite, ça écrit des mots que j'ai pas envie de dire, donc je vais enlever le T9. Donc effectivement, j'ai regardé. Ah ben attendez, le mec de Pauline, Willou la cartouche, hein, de Bordeaux, à l'âge qu'il a, il voit écrit LOL sur son portable. Il y a l'hémisphère droit du cerveau qui explose. On comprend pas ces mots, Clément. Non, mais 25% des Français qui fouillent, ça veut dire 75% des autres qui n'ont pas le code, à mon avis, c'est ça. C'est ça, à mon avis, c'est vrai. Restez avec nous sur Virgin Radio. Tout de suite, on fait le réponse à tout et puis le pop rock électro des Strumbellas qui arrive. Réponse à tout. Je parle de plus en plus comme un animateur pour enfants. Mais oui, restez avec nous les enfants, ce Strumbellas qui arrive. Oh, qu'ils sont malicieux. Vous découvrirez ça dans un instant. Mais d'abord c'est Clément et son réponse à tout. Oh, quel doudingue celui-ci. Et je descends dans la rue au bord de l'autoroute puisqu'il y a du bruit sur celui-là et je leur demande s'ils sont déjà allés en boîte. Vous êtes déjà allés en boîte? Non, non plus. Vous imaginez ça comment une boîte de nuit? Tout blanc et noir avec des canapés, des tables et une scène pour danser. Surtout plein de filles et des garçons, un endroit pour boire son verre d'alcool et un endroit où le DJ mixe. Et qui va en boîte de nuit alors? Tout le monde ou pas? Ouais, mais il y en a qui se font recaler. Pas ceux qui n'ont pas le physique ou qui sont pas connus. Pas les personnes âgées et interdits aux mineurs, à part ceux qui trafiquent leur carte d'identité. Et ceux qui ont un mauvais look, bah, ils rentrent pas non plus. C'est quoi un mauvais look? Qui ne sont pas bien habillés, qui viennent en survêt de foot, qui sont habillés n'importe comment. Genre Cristiano Ronaldo, il va en boîte après un match, il rentre pas? Non, il rentre pas. Enfin, si, peut-être, parce que lui, c'est une star. Mais à mon avis, il devrait changer. Faut qu'il enlève le survêt. C'est ça. Et qu'il prenne une douche. C'est ça. Réponse à tout! Et vous entendez Clément maintenant fait ses réponses à tout au club de ping-pong. Dans le club de ping-pong du côté de chez toi. À Pouzoges. Non, non, je l'ai fait dans un parc et effectivement, je pensais pas que ça s'entendait. Il y a deux mecs qui jouent au ping-pong. Oh là là, allez, merci vraiment à tous les enfants qui jouent au jeu chaque matin. Prochaine réponse à tout, peut-être dans une salle de badminton. Ce sera demain à la même heure. Et tiens, j'ai pas encore eu le temps. Dans un instant, restez avec moi parce que je vais vous lire un mail de Tristan. C'est un fidèle auditeur, il nous écoute souvent, il me le dit. Et il a un mail qui m'a beaucoup amusé. Je vous lis ça dans deux secondes, le temps d'écouter The Strumbellas sur Virgin Radio. Excellent réveil. Bonjour tout le monde, nous sommes The Strumbellas on Virgin Tonic. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. With the guns still around. Virgin Radio. Merci de nous avoir choisi les Strumbellas qu'on vient d'écouter. Restez avec moi, puisque dans un instant, dans Virgin Tonic, et là, vous pouvez faire le tour de toutes les radios, c'est en exclu. Depuis le début de la semaine, on vous offre un tour du monde du pop rock électro. C'est quand même pas rien. On vous a envoyé de partout, les amis. On vous a envoyé, voilà, voir Shawn Mendes en Australie. Sacré Mendes, alors. S'il habitait en France, ce serait Mendes France. J'adore l'humour. On vous a envoyé applaudir les 21 Pilots aussi. C'était à Berlin. Jane, voilà, aussi. Et puis, alors, aujourd'hui, voilà, c'est, je viens de les écouter, c'est The Strumbellas, les amis. Vous allez les applaudir en Australie. C'est génial. Avec la personne de votre choix, tout frais payé. C'est le 39-16 pour vous inscrire. Ce sera avant la fin de l'émission, avant 9h. Pour le moment, je vous avais promis, vous tous qui m'écoutez, peut-être en voiture, dans les bouchons, soyez prudents, de vous lire un mail de Tristan. Oui. Tristan me dit, salut Camille, t'es formidable. Non, je vous en... Salut Camille, hier, on a eu des amis à moi qui sont venus manger. Je veux ton avis parce que avant qu'ils arrivent, ma copine cache le cadre de nœud marin que mon père nous a offert cet été. Tu m'étonnes. Est-ce qu'elle a une dent contre le cadre, une dent contre moi, une dent contre mon père ou une dent de sagesse? Dis-moi en plus. Je dis là, j'embrasse Tristan, vraiment, il nous écrit souvent et un grand bonjour à lui. Et je vais vous poser une question, l'équipe. Oui. Est-ce qu'il y a un objet que, comme la chérie de Tristan, vous n'assumez pas forcément chez vous? Oui. Réfléchissez aussi au 39-16, vous qui êtes avec nous au standard. Vous l'assumez pas et vous le cachez quand il y a des gens qui arrivent. Oui. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est quoi alors, ton mec? Mon mec, il est magnifique. Enfonce-la, ça, du truc, tu fais pas de bruit. Non, mon mec, je l'expose, il est magnifique. Non, non, j'ai une petite marche dans les toilettes, je l'assume pas du tout. En fait, c'est. Non, pour c'est être... une marche. En fait, je vais t'expliquer. En fait, on n'est pas dans la bonne position. Il faut une marche. Ouais. Pour aller aux toilettes. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il faut une marche. Ouais. En fait, il faut être dans une position accroupie. Donc, les toilettes turques, c'est la position idéale. Alors, tu lis le livre dont tout le monde. Voilà, en le ce charme moment, discret de l'intestin. De l'intestin. Voilà. Et donc, t'apprends que oui, c'est ça, je l'ai appris. J'ai pas lu le livre. Et la position. Vous vous en doutez. j'ai appris qu'en fait, il faut un peu relever les genoux. Voilà, les genoux relevés, comme si tu étais sur des toilettes turques finalement. Donc, d'accord. Moi, j'ai une petite marche et je l'assume pas. Donc, quand des gens viennent, je la cache. C'est un peu la honte. Ouais, c'est un peu la honte. Je peux comprendre Clément. Mais c'est très drôle d'aller faire pipi chez Laure parce que nous les garçons, si on fait pipi debout, on est beaucoup plus haut. C'est plus dur de viser. Voilà, je vous assure, c'est un bon exercice. Non, mais moi par exemple, alors je sais que je crois que les gens appellent ça un tankerville, moi c'est un étendage, d'où je viens dans le sud. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, l'étendage, moi il est tout le temps dehors. Mmh. Voilà un objet que je cache. Quand je sais que les gens arrivent tout de suite, je fais allez, on range ça, qu'on voit pas mon linge et tout. C'est bête, mais tu le sais. Pauline au standard. Mais moi je cache mes photos de soirée qui sont dans le petit pot sur ma table basse parce qu'en fait j'ai un polaroid et donc les gens en soirée chez moi prennent des photos. D'ailleurs j'ai trouvé des trucs assez marrants et celle-là je les cache. Voilà. Parce que t'as peur qu'on puisse fouiller dans tes photos. Bah, c'est-à-dire que les polaroids en fait ils sortent de l'appareil donc ils sont là. Sur, On a connu les années de 1712. Hein. Ne t'inquiète pas Pauline. Mais t'es au courant que maintenant il y a genre des téléphones qui font 12 milliards et demi de pixels. Que oui, tu peux, voilà. Mais toutes les filles adorent accrocher leur pola au mur. Un polaroid. Jack! C'est ça, Paula! Ah, oui, Jack! Les enfants font des idiots, ils tombent dans le cabinet! Benjamin, tiens, on va demander à Benjamin, et je suis sûr que c'est votre cas, vous tous, hein, qui nous écoutez là et qui réagissez aussi sur les réseaux. Est-ce que mon Benji, quand les gens arrivent chez toi, tu caches systématiquement un objet dont t'as un peu honte? Salut mon pote! Salut, salut tout le monde! Salut. Bah écoute, objet que j'ai honte, pas forcément, enfin, ou c'est plus le soupe que ça met, que j'ai plein de vestes un peu que je mets partout, porte-manteau et autres, donc finalement je fais le tour de l'appart pour ramasser toutes mes vestes, puis vider le porte-manteau et autres, pour que les gens soient un peu à l'aise, sinon ils peuvent pas se trop s'installer, quoi. Mais je comprends. En fait, tu ranges un peu l'appart, quoi. Oui, c'est ça, ouais, je fais place nette, quoi. Bah, je peux dire Clem aussi, hein, avec les vestes qu'il a pris en boîte, je peux te dire. Son appart, ce n'est que ça. C'est un dressing. Bah, exactement. Oui, Nico du bureau. Oui, j'avoue que je suis un peu pareil parce qu'effectivement, j'ai pas de porte-manteau. Et du coup, les vestes, quand tu rentres chez toi, c'est le premier truc que tu poses. Et j'ai une table de salle à manger avec des chaises autour. Il n'y a que les vestes. Il n'y a que des vestes, il y a 6 vestes au moins. C'est un enfer. Oui, la popo est au standard. Non, mais je sais très bien ce qu'il fait. Il les range pas. En fait, il prend en tas et il met en boule dans une armoire et il ferme. Et voilà, il range pas. C'est pas rangé ça. Bah non. Bah alors, autant pour moi. Autant pour moi, je pensais. Ma petite Véronique est avec nous aussi. Salut Véro. Salut Camille, salut l'équipe. Salut Véro. Est-ce que toi aussi, alors peut-être pas d'ailleurs, hein, est-ce que toi aussi, quand les gens arrivent, il y a un truc que t'assumes pas, tu le caches? Alors, je range effectivement les Legos de ma fille pour deux choses. Parce que c'est super dangereux pour la plante des pieds. C'est très douloureux. Quand on marche, voilà. Et puis pour faire, j'ai pas d'enfant, non? Non, parce que quelque part, j'ai un peu honte que ma fille joue aux Legos. Pour moi, c'est pas un jouet de fille. Je vais te dire un truc. Véro, tu mets le doigt sur quelque chose qui a plein de mamans, plein de papas qui nous écoutent, ça doit leur parler. Moi, évidemment, je suis pas père, mais je sais que. Voilà, mon frère, c'est pareil. Quand, par exemple, mon neveu Raphaël, il adore se mettre des perruques. Ouais. Et il adore jouer un peu à la fille et tout. Bah. Et mon frère, il fait... Va prendre un G.I. Joe, va faire la guerre, prends ce pistolet, tire sur ton grand-père, fais ce que tu veux. Mais il y a quand même un truc de série que t'aimes bien que les garçons jouent avec des jouets de garçons et les filles avec des jouets de filles, Laure. Oui, mais moi, la fille du jus, par exemple, elle adore le foot, elle met des maillots de foot, elle fait des Legos et ça l'empêche pas d'être hyper féminine. Moi, ma fille, elle est hyper féminine. Et pareil, elle joue au foot petite, elle joue au Lego. Sois honnête. Oui. Est-ce que ça embête un peu Juju? Non, franchement, parce pas que du ça n'a rien à voir, mais ton fils, c'est vrai qu'avoir un fils jouer à la poupée, t'es les parents. Peut-être. Ça gêne pas, ils ont bien raison de le faire, mais les parents, il y a un petit truc quand même de. Fais des trucs de. Tu l'as ou pas, ça, Nico? Ouais, mais non, c'est vrai qu'effectivement, ma fille, je préfère quand elle regarde La Reine des Neiges que quand elle regarde Cars, par exemple. Ah. Mais après, tu vois, ça reste du dessin animé, mais c'est pas très grave. C'est normal. Tu la vois en train de tuer des pigeons avec un couteau papillon, ça te. Non. Ouais, c'est normal. Faut que je laisse ce face, bien sûr, Clément. Je veux faire mon Nico du bureau, ça peut être chiant, mais Lego, ils ont vachement progressé, en fait. Et maintenant, ils font des Lego un peu fille. Ils font des Lego princesses et des choses comme ça, voilà. C'est vrai. Princesse, bah, Clément, mais ça reste des Lego quoi. Je vais pas te donner tort, t'étais chiant. Tu le savais. Tu vois, t'as raison, c'était chiant. Va Véro, je t'embrasse très fort, merci d'être avec nous. Et tiens, tu sais quoi, ma belle? Vas-y. On t'envoie un cric pour ta fille. Ça s'amusera à démonter des pneus, elle va s'éclater, j'en suis sûr. Je t'embrasse très très fort, ma belle, merci d'être avec nous le matin. On écoute Van Kelmout tout de suite. My Head is a Jingle sur Virgin Radio. Ah. Hi, this is Emma Louise on Virgin Tonic. Virgin Tonic. Virgin. In a dark room we fight, make up for our love. I've been thinking about you, about us. I'm moving slow, our hearts beat so fast. I've been dreaming about you, about us. Sorry for this, I never meant to be.

On a aussi des iPhone 7 tous les matins, concert privé. Et pour le moment, c'est un autre très très beau cadeau qu'on vous offre. Vous connaissez forcément ce groupe, vous l'avez découvert chez nous. Les Strumbellas, vous pourrez les applaudir, passer une soirée exceptionnelle. Mais le gros du cadeau, et c'est bien normal, c'est surtout que vous repartez avec la personne de votre choix. Tout frais payé en Australie. Profitez, voilà, un beau séjour offert par Virgin Radio, plus le concert. C'est à gagner tout de suite. On va voir qui a été tiré au sort. On va rejouer un jeu que j'adore. C'est le C'est la honte, si tu connais la suite. Tonique. C'est la honte. Hey, hey. Si tu connais la suite, c'est la honte. Si tu connais la suite. Oh, il connaît la suite, eh. Mais parmi toutes les personnes, c'est tellement nombreux. Un séjour en Australie, tout frais payé, c'est normal. À vous inscrire au 39-16, c'est Aude qu'on a rappelé. Salut Aude. Oh, salut. Aude, je suis ravie de t'entendre. Tu viens d'où, Aude? À côté de Reims. À côté de Reims, d'accord. Très bien. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis chargée d'affaires. Chargée d'affaires, c'est-à-dire, t'es plein d'affaires sur le dos, t'as un sac à dos. T'es chargée, t'es plein d'affaires et tu fais la route toute la journée? Très lourd à porter. Non, je travaille, c'est comme une assistante commerciale, si tu veux. D'accord, très bien. Eh bien, ma chérie, peut-être pour toi un beau séjour. Tu partiras avec qui en Australie? Oh, bah, je vais prendre mon mari, va. Eh ben, ça a l'air de t'emballer. Très bien. Il s'appelle comment ton mari? Il s'appelle Xavier. Xavou. Et notre petite Aude, peut-être en Australie pour ça. Il faut que tu gagnes au C'est la honte si tu connais la suite. C'est simple. On te met des chansons. D'accord? On les arrête. Tu chantes. Si tu arrives à chanter la suite de la chanson, bah du coup, c'est un peu la honte parce que tu connais la chanson. Mais de l'autre côté, bah, c'est quand même sympa parce que tu peux repartir si tu as deux bonnes réponses en Australie. D'accord? Ça veut dire oui. Petit exemple très simple, on joue toute l'équipe, attention. Tu sais que garçon, si t'en as tes billets, ça fait garçon. Pour ma fille, garocon. Qui perd de l'heure, c'est dire. L'homme a l'air de bien la connaître. Tu sais que garçon, t'enlèves la cédille, ça fait garocon, garocon. Qui perd de l'heure, c'est dille, dame. Oh là là là là là, les amis, voilà, vous avez compris. C'est maintenant toi, ma petite Aude, qui va jouer. Je vais te mettre trois extraits. Sur les trois, si tu arrives à en finir au moins deux, ce sera gagné pour toi. Tu es prête? Je suis au taquet. Eh ben, on y va, premier extrait, bonne chance. Car c'est comme ça que j'imagine un monde. Alors, attends. Un oiseau, un ourson et c'est un animal. Hein. C'est un enfant le deuxième, c'est pas un ourson. Une chèvre. Une chèvre. Ah, je t'ai un peu aidé, on vérifie. Car c'est comme ça que j'imagine un monde parfait. Un oiseau, un ourson et une chèvre. On a un petit souci, c'est même ce que t'as entendu, t'arrivais pas à le redire. Allez, on accepte le premier, c'était une chèvre, bien joué. C'est Ilona, non? Oui, ouais, Ilona, ouais. Très bien. On y va avec une deuxième chanson, c'est le C'est la honte si tu connais la suite. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime. Bonne question. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mais je sais pas. Mais je sais pas. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne le veut pas. Elle ne le veut pas. Non. Je la compte pas, mais je veux dire, je la valide pas. Parce que Kinvé, j'adore. Ouais. Moi, j'en écoute dans ma voiture et je trouve pas du tout que c'est l'honte de connaître. Parce que je connais par cœur. Ah. Moi, j'adore Kinvé. Alors, on la compte pas. Ça fait toujours un point. Il y a eu qu'un extrait pour le moment. On y va avec un deuxième. Ça, pour le coup, j'assume, c'est la honte. Je connais. Cherche le chemin. Ah. Les amis, c'est dommage que vous n'ayez pas les images en radio. Parce que, donc, c'est comment ça s'appelle ça? William Baldé, les amis, ouais. Je vous jure, Ginger, on dirait qu'on lui passe du Céline Dion. Elle, elle le vit, mais c'est genre le meilleur moment de sa vie. Oh là là, on sent qu'il y en a un paquet qui ont trouvé le chemin. Sérieux? C'était d'incertitude. Les joies du Club Med. Alors on y va, attention, dernier extrait ma chérie. On y va. C'est le C'est la honte si tu connais la suite. Je l'ai dit que tu tombais. Tu la tour Eiffel. C'est ça, je crois. Je n'ai dit que pour elle. Et là, c'est vraiment la honte de connaître la suite, c'est gagné. Oh là là là là. Ma chérie, je suis tellement heureux pour toi, pour ton chéri Xavier. On vous envoie les billets du côté de Reims. Vous partez applaudir les Strombellas. Vous partez à Brisbane en Australie. Ces jours, tout serait payé, d'accord? C'est juste énorme. Merci, merci encore. C'est trop génial. Eh ben, je suis très heureux, ma belle. Et tu nous as bien fait rire. Vraiment, on est très heureux d'avoir fini l'émission avec toi. On va tous vous dire à demain. L'équipe, on est de retour dès 6h, bien sûr. Le vendredi, c'est jamais simple. On sera aussi avec vous, bien sûr, pour terminer cette semaine avec le loyer. Je vous l'ai dit, avec un truc incroyable. Là les amis, parce que le tour du monde, là on vient d'envoyer Odd en Australie. Et demain les copains, demain The Chainsmokers, vous les adorez. Mais vous connaissez pas ce morceau, vous connaissez plutôt celui-là. The Chainsmokers, vous partez les applaudir, tout frais payé à Las Vegas. Voilà ce qu'il y a à gagner demain. Voilà les amis, on est très heureux d'avoir passé cette nouvelle matinée à vos côtés. L'équipe, à demain. Nouvelle question de ouf aussi, Clément. Exactement, on va se marrer. Quelle est la phrase que les parents sortent 50 fois par jour? Une phrase de parents. 01 84 07 08 09. C'est le numéro bien sûr pour laisser tous vos messages chaque jour pour cette question de ouf. À demain tout le monde, c'est parti. C'est Pierre-Alex avec 3h jusqu'à midi avec le pop rock électro. Un dernier point sur l'actu et il arrive. On est avec vous toute la journée bien sûr sur Virgin Radio. Bon réveil, ciao. Virgin Radio. Your radio. Pop rock. Electro. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, il va faire très beau encore aujourd'hui sur l'ensemble du pays. À peine quelques gouttes ce matin sur les côtes de la Manche, rien de bien méchant. Ce sera du soleil sur toutes les régions au fil de la journée. En ce premier jour d'automne, vous aurez 23 degrés cet après-midi à Paris, à Vincennes, 24 à Marseille. C'est une histoire belge qui ne fait rire personne. Des policiers belges ont été arrêtés mardi à Nieppe, dans le Nord. Ils étaient au volant d'un fourgon rempli de 13 migrants, des adultes et des enfants qui voulaient rejoindre la jungle de Calais. De quoi déclencher une belle crise diplomatique entre Paris et Bruxelles, d'autant que les policiers belges assurent avoir agi sur ordre de leur hiérarchie et qu'il ne s'agissait pas de leur premier convoi. La police belge menace même de se mettre en grève pour protester contre l'interpellation de leurs collègues en France. Jacques Chirac n'est pas mort. L'ancien président de la République est toujours hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière où son épouse Bernadette a également été admise hier pour souffler un peu. La famille Chirac demande de bien vouloir respecter sa tranquillité. Plus aucun frais d'itinérance pour les appels et les SMS en Europe. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais la Commission européenne l'a promis hier pour l'été prochain. Dès juin 2017, il n'y aura donc plus de frais de roaming pour utiliser un portable dans un autre pays de l'Union. C'était une promesse de François Hollande à la présidentielle de 2012. Créer 60 000 postes dans l'éducation après les 80 000 emplois supprimé sous Nicolas Sarkozy. À l'heure de son entrée en campagne pour 2017, l'actuel occupant de l'Elysée met les bouchées doubles. Les 60 000 postes promis seront donc bien inscrits dans le prochain budget. L'Inde valide la commande de 36 avions Rafale au groupe Dassault. Le premier avion de combat sera livré dans 3 ans, en 2019. Le contrat de quelques 8 milliards d'euros sera signé dès demain à New Delhi. Une nouvelle nuit de violence à Charlotte aux États-Unis. De nouvelles émeutes après la mort d'un homme noir tué mardi par un policier lui-même de couleur. Des heurts ont éclaté cette nuit encore. Un manifestant a été très grièvement blessé. Le gouverneur a décrété l'état d'urgence. Dans l'actu musique, vous avez été les tout premiers à l'entendre dès 5h53 ce matin sur Virgin Radio. The Weeknd a dévoilé aujourd'hui son nouveau titre Starboy avec les Daft Punk. Le hashtag Starboy fait d'ailleurs le buzz sur Twitter. Ce sera aussi le nom de l'album dont la date de sortie n'est pas encore connue. Un mot de foot, Nice désormais aux commandes du championnat de France, en tête après sa victoire 4-0 sur Monaco hier lors de la 6e journée de Ligue 1. Monaco est 3e avec le PSG entre les deux. Journée qui s'est achevée par le succès de Rennes 3-2 sur Marseille. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Tout de suite, c'est Pierre-Alex comme tous les matins jusqu'à midi pour le bon son pop rock électro. Très belle journée à l'écoute de Virgin Radio. À demain. Virgin Radio Pop Rock Electro. Non-stop. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. Yeah.

human rights. Ooh, we work it out. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile can hold, make it go. The separation of a thousand more. Ooh, we work it out, make it by, make it be like. Girl, I gotta ooh, we work it out, makes my body dance for ya. Ooh, we work it out, make it by, make it be like. Girl, I gotta ooh, we work it out, makes my body dance for ya. Virgin Radio. The Chainsmokers. Feder. 21 Pilots. Tous ces titres ont un point commun. Ils ont été joués en premier sur Virgin Radio. Au-delà des orages, je pars en voyage. Mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti ici pour rencontrer la vie, être vivant. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. Pencher la vie du bon côté, le cœur léger, voir les hommes comme les doigts d'une main qui construit pour toi et moi nos utopies. J'ai le cœur éléphant énormément. J'ai le cœur éléphant. Des orages, je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. Bien, Jean-Dieu, je suis sûr que si je vous dis qu'on va écouter The Avener, vous allez me répondre, je veux être là. Électrochoc Paris. En fait, la France entière rêve d'être à Électrochoc le 6 octobre au Zénith de Paris parce que c'est la plus grosse soirée électro de France. Vous pouvez même pas imaginer ce qui est en train de se préparer le 6 octobre. Ça va être complètement fou, hein. 8000 auditeurs, les plus grandes stars électro, rien que pour vous qui seront là pour faire la fête. Il y aura Kungs, que des stars électro lancées par Virgin Radio. Alan Walker qui cartonne sera aussi là. Clean Bandit, Feder. Avec également Môme, Synapson, Yuxek aussi. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. Je vous offre vos places avant midi. C'est donc maintenant qu'il faut envoyer votre SMS code électro au 7-12-13. Et pendant ce temps, on se met dans l'ambiance électrochoc, évidemment. Avec The Avener. On écoutera We Go Home, 40 minutes de pop rock électro non-stop avec aussi Adèle, Boulevard Désert. Avant, on se fait un petit tour du monde. Écoutez, c'est chaque matin avec Camille Combal. Virgin Radio. Virgin Radio. Right now. The pop rock électro. Electro. Worldwide exclusive. Le concert de Jeunesse à Sydney. Cause I know I can treat you better. Le concert de The Chainsmokers à Las Vegas. Le concert de 21 Pilots à Berlin. Let's go. Around the world. Le concert de The Stramblers à Byron Bay. Music's biggest stars. Le concert de Jane à Paris. Listen to. Écoutez Camille Combal tous les matins de 6h à 9h.